Micro ouvert. Trouver sur le net. Le fascisme, c'est quelque chose d'assez ancien et en même temps, c'est quelque chose de très moderne. Et il y a plusieurs perceptions du fascisme. Il y a le fascisme des fascistes. Philippe Pujol. Donc, qui est quelque chose de très positif pour eux, qui est en gros toutes les forces de la nation sont mises au service d'une seule chose, la nation, et donc du père de la nation, donc le dictateur. Ensuite, il y a le fascisme tel que je le perçois moi, que perçoit heureusement la plupart des gens, c'est-à-dire la suppression de deux choses simples, la liberté et la démocratie. Et c'est revendiqué d'ailleurs par les fascistes, qui considèrent que le peuple n'a pas à avoir la décision de ce qui va le mener derrière et considère que donc pas de liberté là-dessus, pas de liberté de décision et en même temps considère que la dictature est une meilleure chose que la démocratie puisque la démocratie fait que le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui. Toujours une vision assez négative du peuple finalement et un côté bon père de famille, le dictateur serait celui qui sait ce qui est bon. Les fascistes s'organisent, ont une idéologie, une doctrine bien précise pour prendre d'abord le pouvoir et ensuite le conserver dans une forme de dictature généralement violente. Donc des gens qui peuvent être appelés fascistes ne sont pas si nombreux que ça. On traite de fachos tout ce qui est un peu d'extrême droite. Il y a même les mecs de droite qui traitent de fachos, des mecs de gauche. Tout le monde se traite de fachos. C'est une forme d'insulte en fait. Et après, il y a le mot fasciste qui est galvaudé puisque la plupart de ceux qu'on traite de fascistes ne sont pas fascistes. C'est juste des gens d'extrême droite, des populistes, des réactionnaires, ok, mais pas forcément des fascistes. Donc on galvaude ce mot et à la fin, les vrais fachos, justement, au milieu, ben, on les voit plus. On s'écoute la deuxième partie de cette drôle d'idée de parler de l'extrême droite, du fascisme, du nazisme en Belgique après la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout aujourd'hui, voilà, rencontre avec Denis Desbonnets. Il y a cette idée de parler d'aujourd'hui, mais on ne peut pas parler d'aujourd'hui sans parler d'hier, quoi. Ben oui, il y a des choses, ben on peut le dire, qui se répètent, qui... vraiment... que dire d'autre ? Il dit que c'était la deuxième partie. Et pour écouter à qui vous avez affaire là, qui parle, hein, Denis, ben, il faut écouter la première partie parce que là, il se présente. Et moi, ce que je vais dire là, ben, c'est un gars qui est vachement sur le terrain. 40 ans de pratique socio-cul, on va dire. Il le dit lui-même. J'ai envie de te couper parce que quand tu dis, c'est intéressant, je trouve, quand tu dis la France, tu parles de la France, vous attendez quoi pour réagir ? Mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? Vous attendez quoi pour réagir ? Tu parles à qui ? D'accord, ok. Alors... On va rester centré sur la Belgique, mais c'est vrai que c'est intéressant de faire d'élargir. Ça pourrait être aussi en Belgique, hein. Ouais. D'élargir le champ, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'aussi bien du point de vue du fascisme que de l'antifascisme, pour les Belges, et particulièrement les Belges francophones, la France a un peu servi d'exemple. Pourquoi ? Parce que la première percée, la deuxième, après le Vlaams-Blok, la deuxième grande percée d'un parti d'extrême droite qui fait des scores qui ne sont plus du tout marginaux, mais même qui deviennent très significatifs, et qui progressent d'élection en élection, et pas seulement en termes de vote, mais aussi en termes de membership, parce qu'il faut aussi, parce que parfois ces partis ont connu des coups d'arrêt, on y recule un peu, mais il faut savoir qu'Hitler, en 31, il connaît une déroute électorale, donc c'est pas linéaire évidemment, donc il ne faut pas seulement regarder les résultats électoraux. Ce qui est au moins aussi important, c'est de voir comment des groupes qui étaient des toutes petites sectes, des groupuscules, parviennent en quelques années à recruter des centaines, puis des milliers d'adhérents. Ne perds pas ma question. Non, pas du tout. Et donc, c'est ça qui a été très frappant en France, c'était de voir effectivement Le Pen qui faisait 0,3%. Oui. On l'a tous connu avec son bandeau de pirate et éructant et tout. Et on le voit 4-5 ans plus tard en costume 3 pièces, avec un œil de verre mais très bien foutu, avec un langage très... toute l'opération de respectabilisation et avec un discours disant « Nous sommes des démocrates. » Et ceux qui nous attaquent, c'est eux, les vrais fascistes. « Nous sommes des démocrates outragés, etc. » Donc un discours très intelligent. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a commencé ça. Marine Le Pen a terminé le travail que son père a très largement. Mais celui qui a fait le plus gros du boulot, contrairement à ce qu'on dit, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'aujourd'hui, moi, les gens de ma génération, ce serait genre « On vire le père parce qu'il est trop... » éructant, quoi. Voilà. Tandis que elle, elle est plus fine, elle est plus... Et il continue à faire des clins d'œil au péténisme, à Vichy, etc. Et rassurer la vieille garde. C'est vrai. C'est vrai. Je reconnais que Marine Le Pen est parvenue, quand je dis qu'elle a terminé le travail, c'est que le père devenait un peu encombrant, etc. En attendant, c'est quand même le père qui a sorti d'une marginalité totale son petit groupe Occident qu'il a fait. Oui, mais sûrement pas tout seul, tu vois. Bien entouré, mais je peux vous dire que c'est lui et son équipe. C'est lui et son équipe. Quand vous êtes dans un tout petit groupuscule, parvenir à quadrupler et puis parfois à décupler en quelques élections, c'est au départ, c'est le noyau qui a fait ça. Après, je connais, tu vois, c'est là que j'ai pas fait une étude sur le sujet, mais je me dis aussi que si t'es bien entouré, tu vois, tu peux être très génial, intelligent, tout ce que tu veux. Si on te met pas à la lumière, tu seras toujours dans l'ombre. Donc j'imagine que ce monsieur Le Pen, il était bien entouré aussi pour qu'on l'aide à le mettre à la lumière. Pourquoi était-il bien entouré? Parce qu'il savait s'entourer, justement. Il a su s'entourer des meilleurs. Il a su donner un axe stratégique en disant comment est-ce qu'on va sortir de la marginalité. Il y a des discours qui sont extrêmement clairs. Je me souviens d'un discours où on le voit dans une espèce de, comment dirais-je, de cave à vin, un resto un peu chic, mais voilà. C'est l'époque où il a encore son bandeau. C'est juste avant qu'il change, et où il explique, non, peut-être qu'il vient de l'enlever. Et, il n'est pas encore en costume cravate, mais il est déjà un peu plus présentable, il n'a plus un look de baroudeur. Et c'est une université d'université d'été de ses cadres, et le discours est filmé, et où il dit « Oui, nous avons beaucoup mis en avant la question, de l'insécurité, nous avons mis beaucoup en avant la question de notre héritage chrétien, de la dénatalité de ce pays, etc. Ce sont des thèmes importants, mais je pense que ce thème-là n'est plus le thème le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi se plaignent nos compatriotes? De quoi ont-ils peur? Ils ont peur de l'immigration massive. C'est la première fois qu'on voit vraiment, on pouvait prendre le programme du Front National et un peu plus tard, le programme du Vlaams Belang. Oui, évidemment qu'il y a une démagogie raciste, et même parfois un peu antisémite et tout, mais ce n'est pas du tout le point central. À partir de quel moment ça devient le point central? C'est fin des années 70, début des années 80. Pourquoi? Parce que la crise a éclaté en 74, parce qu'elle a fait des ravages, parce que là, elle a commencé à montrer ses effets, donc il y a des poches de pauvreté. Tu parles de la crise économique. La crise économique de 73-74, qui éclate. Et comme il a fallu quelques années pour que les effets commencent à se faire ressentir, des fermetures massives dans les villes industrielles, etc. etc. Donc, on ne va pas faire long, on ne va pas faire de la sociologie à deux balles, mais c'est clair que nous, on a très vite senti qu'il y avait un terreau, plus exactement un fumier, sur lequel l'extrême droite allait pouvoir prospérer. Quand tu dis nous, en un mot? Les antifascistes, militants comme analystes. Moi, j'ai été un peu les deux. J'étais journaliste et j'étais aussi dans les manifs. Et, voilà. Et on a construit des organisations aussi. J'ai été membre du Front antifasciste, etc. Mais donc, voilà, c'était un peu ça l'idée. Ce qu'on faisait à Pau, c'était ça. C'est qu'à la fois, on faisait des manifs, mais on faisait aussi les meilleures enquêtes sur qui sont ces gens, pourquoi sont-ils dangereux, etc. Mais j'avais envie de rebondir. Maintenant, je ne sais plus quel terme tu utilisais. Tu vois, des fois, il faudrait noter. Parce que tu disais, quand tu parlais de la France avec Marine Le Pen, enfin, Monsieur Le Pen, plutôt, tu avais l'air de dire... Mais pourquoi on laisse faire, quoi? Je te posais la question, mais de qui tu parles? Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Parce que ça m'intéressait. Là, j'ai deux réponses très simples. D'une part, c'était la gauche, en disant, et la gauche, vraiment la gauche radicale, en disant, vous avez une responsabilité majeure. Vous avez la conscience. Vous avez la tradition, l'histoire. Parce que qui structurait les grandes manifestations antifascistes avant-guerre, etc. Il y a toute une tradition formidable dont il faut s'inspirer, etc. Or, je fais juste une petite parenthèse, mais très importante. Le premier parti fasciste de masse qui perce en Europe, ce n'est pas Le Pen, je l'ai dit, ce n'est même pas le Vlaams Belang, c'est avant ça le National Front en Angleterre, qui lui perce à partir du milieu des années 70, à partir de 75. Aussi petite secte groupusculaire qui en quelques années parvient à faire une percée électorale spectaculaire dans les quartiers populaires, où se retrouvent captifs des petits vieux blancs, et des populations migrantes, où ça se passe toujours, pas toujours bien, on va faire d'angélisme, il y a parfois un peu de deal, il y a parfois un peu de délinquance, et voilà, bon, il y a un contexte parfait. Et évidemment, là, le parallélisme avec les années 30 est évident, les nouveaux juifs, ce sont les migrants, et où effectivement, on explique qu'ils sont responsables de tout. Et si le quartier est pourri, c'est faux, et d'ailleurs, c'est eux qui cassent les cabines téléphoniques, donc c'est eux. Bon. Et donc, en Angleterre, on a senti ça. La différence, c'est qu'en Angleterre, il y a eu une réaction de la gauche radicale, qui a tout de suite compris le danger et qui s'est tout de suite mis sur les rangs. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y avait une tradition. Dans les années 30, c'est très peu connu, Mais il y a eu aussi un fascisme très important en Angleterre. Une bonne partie de la classe dominante était pro-nazi, ça il faut le savoir. Churchill était une exception. George VI, le roi, était un ami intime de Hitler, etc. Il y avait une sympathie nazie et il y avait un parti nazi très important en Angleterre. Ce parti-là avait décidé de faire une marche dans les quartiers ouvriers pour montrer sa force et aussi parce qu'il espérait conquérir une partie du milieu ouvrier, pensait qu'il allait être bien reçu. Et ça, c'est dans les années 30, je ne peux plus donner les détails, mais donc dans un quartier, je me souviens bien, c'est du port de Londres, et où toute la gauche, c'est surtout l'extrême gauche, mais qui est parvenu à entraîner aussi les socialistes, etc., a dit « cette fois-ci, ils ne passeront pas ». C'est vraiment le « no passaran ». Et ils ont vraiment préparé une contre-manif immense qui était interdite, ils s'en sont foutus, ils ont cassé les cordons de police, et ils ont, en fait, les fascistes ont été très surpris parce qu'ils étaient nombreux, je crois 15 000 militants hein, en uniforme et tout, ils se sont retrouvés face à peu près 150 000 dans le rapport de 1 à 10 militants syndicalistes, ouvriers, etc., monsieur juive et tout, qui sont mobilisés en disant « cette fois-ci, ils ne passeront pas », ils les ont taillés en pièces. Ça a été une... et c'est un combat qui est resté dans les mémoires. Il y a eu une tradition très forte. Il y a eu exactement la même chose dans les années 60 avec un certain Mosley qui était parvenu à reconstruire un parti fasciste quand même assez comaque. En Angleterre, en Angleterre ou... En Angleterre, dans les années 60, et qui avait décidé aussi de marcher sur je ne sais plus quel quartier populaire. Et ça a vraiment fait tilt. Les gens ont dit « comme nos parents ont fait ». Et exactement même scénario, ils se sont fait littéralement tailler en pièces. Donc, les fachos. Les fachos. Donc il y avait cette tradition-là. Et il y a eu une troisième vague dans les années 70, avec la fondation d'une part un mouvement dont tu as souvent déjà entendu parler qui s'appelait Rock Against Racism, avec toute une série de groupes qui étaient les groupes punk et pré-New Wave, si tu veux, aussi ska et tout. Bon. Il faut savoir que dans la musique ska, si leur symbole c'est le damier, un peu comme un damier noir et blanc, un peu comme sur les circuits de course automobile, c'est pas par hasard, c'est parce que damier noir et blanc, et le slogan était Black and White, Unite and Fight. Bon. Donc il y avait cette tradition là qui était très forte et qui a été ravivée dès les années 70. Donc je dirais que nos camarades anglais, de par leur tradition et de par leur victoire antérieure, avaient ça. Et notamment dans le mouvement ouvrier, beaucoup de syndicalistes. On voyait des gens dans ces manifs-là, on voyait des gens de 65 ans, mais qui s'étaient déjà battus contre Mosley et qui disaient « et on revient bon. ». Et donc il ne laissait pas faire, quoi, c'est ça. C'était une gauche dont tu parles, ne laissait pas. Et donc l'anti-nazi, et surtout, il y a eu l'anti-nazi, ils ont créé l'anti-nazi league. Alors comment est-ce qu'ils ont créé l'anti-nazi league? C'est tout le contraire de SOS Racisme en France qui était un échec total et qui n'a servi à rien. Hein, alors qu'ils ont fait des manifs monstres, hein, 300 000 personnes. La différence, c'est qu'en Angleterre, c'est des manifs de 300 personnes en disant « et maintenant, on va les jeter dehors de nos rues voilà. ». Tandis que SOS Racisme, c'est « on fait des concerts de préférence à l'autre bout de la ville pour ne pas jouer la provocation ». Nous, on disait « mais c'est eux qui nous provoquent, ils viennent dans les cafés ». Il y a un film d'une tournée de Clash qui s'appelle « Rude Boy », un très chouette documentaire. Et bon, Clash, évidemment, groupe, entre punk et ska, et profondément antifasciste et de gauche. Et pendant toute leur tournée, ils ont un de leurs roadies qui, en fait, vote National Front et pour le National Front. Et il dit, c'est pas grave, ils le prennent avec. Et en fait, ils discutent avec lui et ça. Et on voit l'évolution des gars pendant tout. C'est assez extraordinaire. Oui. Mais il y a une scène qui est très frappante, c'est au tout début du film. On voit ce que c'est qu'une manif du National Front. On est en plein quartier pakistanais. La manif est autorisée et protégée par les bobbies. Hein, et ils défilent au milieu d'un quartier où il n'y a que des Pakistanais. On voit les jeunes, les mamans, etc. qui sont aux fenêtres. Et les gars défilent en battle dress, etc. Ça a été l'erreur d'ailleurs du National Front, c'est qu'ils ont vraiment eux aussi convoqué tous les symboles des années 30. Hein, Excuse-moi, c'est parce que... Et quoi, les gars, c'est ceux qui... C'est l'extrême, alors, l'extrême, les fachos? Parce que sinon, je m'y perds. Hein. Donc, ce National Front a eu comme erreur de vraiment avoir un look. On voyait vraiment que c'est des fascistes, ça ressemblait au SA. Mmh. Tu sais, avec les tambours, les baudriers, les ceinturons de cuir, etc. Bon, vraiment. Et on les voit défiler en plein milieu. Et on voit la population qui est aux fenêtres, mais qui n'ose pas descendre. De toute façon, ils ne peuvent pas. Et ils sont en train de... C'est une scène choquante. Ils sont en train de gueuler tous les fachos des slogans du genre « Rats pakistanais, rentrez dans vos trous. On ne veut pas vos gosses de merde dans nos écoles. Vos gosses sentent la merde. » Comme ça. Et tout, bon. Ça, c'était les pratiques du National Front. Jusqu'au moment où, et pas plus particulièrement le courant politique dont moi j'ai fait partie, a dit, bon, on est dans un pays où on sait comment est-ce qu'on traite les nazis, on sait comment est-ce qu'on les bat. On va faire la même chose. Le National Front avait annoncé qu'à Lewisham, quartier de l'Est de Londres très, très populaire, ils allaient faire une grande manif. Ils ont dit, on a 3 mois devant nous, on va chauffer la colle. Et ils vont être bien reçus cette fois-ci. On va faire comme nos parents ont fait avec Mosley. Ils ne sont pas venus. Ils sont allés chercher aussi bien des syndicalistes qui avaient 60 ans que ils sont allés chercher la population locale, les jeunes paquis, en disant... Évidemment, les parents disaient non, reste. Les parents rasaient les murs avec une tradition de migrants qui ont peur d'être expulsés et tout. Les autres, les enfants étaient britanniques. Ils ont dit non, vous avez des droits. Vous allez longtemps vous laisser cracher à la gueule? Vous allez longtemps vous laisser humilier comme ça? Chiche, on vous donne un challenge. Cette fois-ci, ils ne passeront pas. Et c'était vraiment ça. Il y a eu ce qu'on appelait la bataille de Lewisham, même scénario qu'avec Mosley. Hein. Les cordons de police ont été explosés et les fachos se sont fait tailler en pièces pour la première fois. Le lendemain, tous les journaux britanniques titrent là-dessus, mais beaucoup de journaux, y compris de droite et même parfois de gauche, disent les fascistes rouges contre les fascistes noirs, etc. Donc, amalgame et tout. Les camarades ont dit on s'en fout. Les camarades de l'initiative ont dit on s'en fout. Au moins, jusqu'au dernier bled du fin fond de l'Écosse, on l'a vu. Et juste après, ils ont dit, bon, maintenant, vous avez vu, ils ne sont pas invincibles. On peut les battre. Et maintenant, on s'organise sur deux axes. On va faire une immense campagne de propagande, mais bien foutue, auprès des milieux que les fachos sont en train d'essayer de contaminer. En leur faisant comprendre, en fait, en votant pour ces gens-là, vous votez contre vous. On vous demande de voter contre eux, pas parce qu'ils tapent les paquis. On sait que vous êtes un peu raciste. Vous n'êtes pas les Pakistanais, c'est un autre débat. On en parlera. Mais ces gens-là sont dangereux pour vous, et on va vous le démontrer. Donc, première idée, faire un travail pédagogique en direction de ce milieu-là. Et aussi, chaque fois que c'est nécessaire, quand on a le rapport de force, on les bloque, physiquement. Mais pas d'action de commando. Hein, parce qu'en France, des années plus tard, il y a un truc qui s'appelait le scalp, service carrément anti-Le Pen ou section carrément anti-Le Pen, et c'est des jeunes d'extrême gauche, radicalisés, populaires, et qui, à coup de barre de fer, allaient attaquer les colleurs d'affiches du FN. Deux problèmes. D'abord, ils étaient hyper isolés et les gens n'aimaient pas ça, y compris les gens de gauche, en disant, hein, on voyait une bataille de gang, quoi. Deuxièmement, ils étaient dans un rapport de 1 du 10, donc 2 fois sur 3, ils se faisaient casser la gueule. Bon. Nous, on a toujours dit pas d'action kamikaze. Mais si vous parvenez à mobiliser la population locale, parce que peut-être qu'ils sont 4 000 ou 14 000, mais dans le quartier, on est 200 000. Si on veut, si on s'en donne les moyens, on peut les arrêter. Donc ça a été ça l'idée, ce qui était de dire, chaque fois qu'on peut, on leur dit, la rue n'est pas à vous. On est en quelle année, là? Fin des années 70. L'antinazilique, 70 fondations en 77, si ma mémoire est bonne, ou 75, je ne sais plus, et en 82, le National Front est mort. En 5 à 7 ans, ils sont parvenus à casser la percée du premier parti de masse fasciste en Europe. Ils l'ont fait. Et donc, à partir de Lewisham, ils ont dit, maintenant, on crée l'Anti-Nazi League, en disant, ce qu'on a fait à Lewisham, vous pouvez tous le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on fait ça de manière très démocratique et très simple. On rassemble un maximum de gens, on leur demande une seule chose, tu détestes les nazis et tu ne veux pas qu'ils passent. Tu peux être juif, tu peux être arabe, tu peux être paki, tu peux être jeune homosexuel, tu peux être simplement syndicaliste, tu peux être femme. Et avec tout un travail qui était fait en direction de tous ces milieux-là, en disant, femme, voilà ce que National Front dit de vous et vous prépare. Pensionné, voilà ce qu'il prépare pour les pensions. Paki, voilà ce que... Sur cette base-là, ils sont parvenus à faire des manifs au départ de 5, 10, 15 000 personnes. À la fin, il y a des manifs et monstres de 100 000 personnes. Et ce qui était extraordinaire, dans la même manif, tu avais des juifs orthodoxes totalement pro-israéliens qu'on mettait dans un cop de la manif. Et devant, tu avais les jeunes musulmans. On ne les faisait pas, évidemment, on les mettait pas. C'est comme au football, on ne les mettait pas dans le même cop. Mais en gros, c'était ça, en disant, voilà, on peut être en désaccord sur tout le restant, mais on a une chose en commun, c'est que si eux y passent, nous, on va en baver. Et l'autre chose, donc, les nazis nous menacent tous unis contre les nazis. C'était ça l'idée toute simple. Avec ce travail-là, plus un travail, ils sont allés sonner aux portes, comme un peu les vendeurs de l'humanité en France, hein, du journal L'Humain, hein, sonner aux portes en disant, et dans les quartiers où on savait que les gens votaient National Front, et en disant l'objectif, c'est qu'aux prochaines élections, ils se prennent une... Et ils y sont parvenus. Et avec des argumentaires très très simples, en disant, madame, vous êtes pensionnée, etc. Ah, vous savez ce qu'ils disent des pensions? Monsieur, pourquoi voter pour l'extrême droite? Oui, mais ce quartier est pourri, vous avez vu, le quartier est délabré, regardez les maisons, elles sont dégueulasses, et vous avez vu les loyers et tout. Ah, et votre propriété, elle est pakistanaise? Ah non, c'est un britannique. Oui, et moi, c'est parce que c'est dégueulasse, ma firme a fermé, et c'est depuis que les migrants sont venus. Ah bon? Et ta firme, elle a quand même fermé. Et c'est les migrants qui ont repris la firme, qui ont repris ton boulot? Ah ben non. Voilà, des choses assez élémentaires comme ça. Et ils sont parvenus à faire un mouvement de masse, où à la fin, pour te dire, ils disaient, alors, avec des visuels et deux, trois slogans, très simples, ils avaient un formidable visuel où ils montraient le National Front, c'est le NF, et la barre du N faisait le F aussi. Et à côté de ça, ils avaient la Svastika, la croix gammée, exactement dans le même modèle. Et on se rendait compte qu'effectivement, et ce n'était pas par hasard hein, que les gars avaient fait ça, que les nazis, que les fachos avaient fait ça, en disant, regardez, ce sont les mêmes. Égal. Et c'est National Front égale Nazi Front. Très simple. Voilà. À côté de ça, ils avaient fait un truc, donc Anti-Nazi League, c'est vous qui allez gagner la bataille. Vous. Vous, madame. Vous, monsieur. Vous. Oui. Tout seul, vous ne pouvez rien, mais tout seul, sans doute. Mais dans votre école, vous avez des gens qui pensent comme vous, etc. Nous, on ne va pas pouvoir aller se battre dans votre quartier, votre école, dans toute l'Angleterre. Vous savez faire ça mieux que nous. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous offre du matos. Il y avait un matos minimum. Et en disant, voilà, cette campagne-là, en 5 à 7 ans, a littéralement cassé le National Front. Et l'argument des dirigeants du National Front a été de dire « Oui, mais ça, c'est parce que Mme Thatcher est arrivée et qu'elle nous a pompé une partie de notre programme et donc les gens n'ont plus voté pour nous. » Alors, ce qui est très marrant, je termine là-dessus, c'est complètement faux. On a sorti les mêmes arguments avec Chirac et Le Pen. Hein, bon, en disant « Non, c'est le contraire. » Quand on demandait à Le Pen « Ça ne vous dérange pas que Chirac, dans son discours, reprend deux tiers de votre discours ?» Et la réponse de Le Pen est géniale. Il dit « Ça ne me dérange pas du tout. » Tout d'abord parce que ça prouve que nos idées progressent. Et deuxièmement, ne vous inquiétez pas, c'est la formule que tout le monde connaît, mais c'est Le Pen qui l'a sortie, l'électeur préférera toujours l'original à la copie. Eh bien, c'est exactement ça. Donc l'argument qui est de dire l'extrême droite s'effondre parce que d'autres font un peu la même chose, c'est le contraire. Et donc, qu'est-ce qui explique l'effondrement du National Front? C'est pas du tout que Mme Thatcher a repris une partie de leur programme. Ça montre au contraire combien ils étaient forts. C'est clairement l'anti-nazilique qui les a démolis et qui a asséché leur truc. Et Tindal, qui était un des deux dirigeants, ça s'est un peu passé comme au Front National, les fascistes, tant qu'ils ont le vent en poupe, tout le monde est derrière. Oui, ça va. Quand ils commencent à piétiner, c'est ça qui est arrivé avec le Vlaams Blok, par exemple, le Vlaams Belang, c'est qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient prendre Anvers, et puis ils ont raté de peu, et les gens se sont lassés, parce que ça fait 10 ans qu'ils disaient « Demain, on y sera ». Et donc ne reste finalement que le noyau dur des vrais nazis. Mais les gens qui sont un peu sympathisants, ils se lassent. Et c'est ça qui s'est passé là aussi. Tindal dit, on avait le vent en poupe. Pour la première fois dans notre histoire, on était crédité de pouvoir se présenter dans 300 circonscriptions en Angleterre. Et tous les sondages disaient qu'on allait gagner. Et on a perdu. Et il dit, ça a été ravageur. Et il dit, à ce moment-là, toute cette cohésion, parce que les fascistes, ils essayent d'amalgamer des gens qui ont des profils très différents et des intérêts très différents, mais en cherchant un bouc émissaire. Et en promettant des solutions qui n'en sont pas. Tant que ça marche, on peut amalgamer. Hitler a fait ça. Il a pu amalgamer des petits bourgeois avec des anciens communistes. Tant que ça marche, ça va. Quand ça ne marche plus, les dissensions commencent. Et là, généralement, les couteaux commencent à être tirés, les rivaux, les aspirants chefs, hein, le sous-fureur, le is no good a envie de tuer le calife, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et Tindal dit, qui était le numéro 2 d'ailleurs, a dit effectivement, on n'était pas d'accord sur le bilan de pourquoi on avait échoué, lui, moi et celui qui avait été mon maître à penser, on a commencé à s'engueuler, etc. Le parti, hein, voilà. Et en 2 ans, on était mort. Et il dit, c'est fou, 2 ans avant, nous tenions le pavé, 2 ans plus tard, ils ne nous ont pas lâché d'une semelle ces salauds, ces bastards, 2 ans plus tard, nous étions morts. Lui le dit dans sa propre biographie. Donc c'est pas du tout. Hein. Et donc quand, c'était ta question, quand on disait notamment aux Français, bordel, si les Anglais l'ont fait, vous pouvez le faire. Mais vous avez fait SOS Racisme, place de la Bastille, il y a 200 000 personnes. Mais surtout pas, pourquoi? Pour protester contre un meeting qui se passe à l'autre bout de la ville. Surtout pas y aller, pas provoquer, etc. Et en plus, anti-racisme, on est contre le racisme. Non, non, il faut dire, ces gens, c'est le retour des nazis. Autrement dit, il faut que des gens, y compris qui sont pas racistes, mais, ou qui vont te dire, oui, moi je suis un peu raciste, j'aime pas les paquis. Même ces gens-là, on doit les avoir dans nos manifs. Parce que ces gens-là sont abusés, mais ces gens-là ont aussi quelque chose à perdre si eux passent. Mais évidemment, si le seul argument que tu sors dans ta propagande, c'est de dire « ils sont pas gentils avec les immigrants », mais le type va dire « tant mieux, moi j'aime pas les immigrants non plus ». Mon copain Hugo Geisels, il faisait des conférences dans des quartiers d'Anvers où c'était 80% des gens votés pour le Vlaams. Il disait « en un meeting, je vais pas en faire des démocrates conséquents ». Des gens qui vivent dans les quartiers pourris, où on n'investit plus, où il y a eu plein de scandales, où même les gens des syndicats ont piqué dans la caisse. Tu ne vas pas en faire. Tu vas parler de la démocratie est jolie, elle n'est pas jolie. Tu ne vas pas en faire des antiracistes, parce qu'eux sont persuadés que le problème, c'est leurs voisins. Et parfois, il y a des tensions. Bon, on ne va pas faire de l'angélisme. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui cassent. On ne va pas. Par contre, il dit, en un meeting, je te garantis qu'ils ne voteront plus jamais pour le Balagne. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il disait... Jamais, c'est un peu fort, non? Façon de parler. Ouais. Non, parlons convenablement. Je pense qu'il avait raison. Parce que la manière, la tactique qu'il avait, et c'est marrant parce qu'en fait, il a exactement reproduit ce que l'Internazi League a fait, mais lui, il l'a fait à sa petite échelle à lui. Et il ne connaissait pas du tout la NL. Quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé de l'Anti-Nazi League en disant, mais Hugo, ce que tu es en train de faire depuis 10 ans, que tu as trouvé toi-même de manière empirique, c'est exactement la même chose. Il disait, la plupart des gens qui veulent combattre l'extrême droite mettent en avant l'intégration, la diversité, bref, des arguments antiracistes. On sait très bien que le meilleur argument de vente de l'extrême droite, c'est le racisme. Alors il dit, si tu joues au tennis et que tu sais que ton adversaire est mauvais en revers, est-ce que tu vas jouer systématiquement dans son revers? Il faut être complètement crétin pour faire ça. Par contre, si tu sais qu'il n'est pas bon en coup droit ou qu'il est tout petit, tu vas le lober. Tu cherches quel est le défaut de la cuirasse. Donc il dit, l'extrême droite, il faut l'attaquer là où elle est faite, pas là où elle est forte. Pourquoi est-ce qu'il met tout le temps l'immigration? Parce qu'ils savent que sur ce terrain-là, tu es gagnant. Il disait, moi, ce n'est pas difficile. Si on me met à côté de Philippe de Winter, dirigeant du Vlaams Blok, lui, il commence. D'abord, je n'accepterai jamais d'aller débattre avec lui, ça c'est un autre débat, mais il dit, admettons qu'on est dans un débat. Lui, il commence par dire, on parle de l'immigration, il dit, Eichen Volk erst, mon peuple d'abord. Il dit, dans la salle, il y a déjà un tiers des gens qui sont d'accord, un tiers des gens qui hésitent, et un tiers des gens qui ne savent pas trop, bon, ou qui est contre. Il dit, il a déjà gagné un tiers de la salle. Si moi je dois répondre à ça, si je dois expliquer que l'immigration n'est pas le vrai problème, n'est pas le problème du chômage, n'est pas le problème de flambée immobilière et tout. Si je dois expliquer ça, et il était très très bon, il dit, je suis un excellent débatteur, il me faut 10 minutes. Lui, ça lui a pris une seconde, moi, 10 minutes. Deuxièmement, moi je vais à contre-courant, lui va dans le sens du poil. Il va dans le sens du courant. Il dit, sur ce terrain-là, je suis perdant. C'est pas demain la veille qu'on va gagner la bataille du racisme. Il faut la mener, j'ai pas dit qu'il faut abdiquer. Mais là-dessus, tu ne vas jamais gagner, pas maintenant. En tout cas. Dans d'autres périodes historiques, on aurait pu, mais pas maintenant. Par contre, il dit, j'ai des petites vieilles, on vote contre l'insécurité. Il dit, hop, je sors tous les casiers judiciaires de leurs dirigeants. Un a assassiné à coups de barre de fer un colleur d'affiches FDF, avec les titres de la presse, etc. L'autre, un dirigeant d'extrême droite à Verviers, a braqué une banque pour... alimenter son truc. Bagarre de couleurs d'affiches où ils ont blessé des gens, etc. Le journal pour, le seul journal incendié dans ce pays, etc. Elle lui dit, madame, vous votez pour eux parce que vous voulez voter contre l'insécurité, mais vous votez pour des... C'est une bande de gangsters. Et il le démontre. Il dit, tu ne veux pas de le dire, tu le démontres. Il dit, voilà. Hein, il était très fort. Il montrait une photo où on voyait Philippe de Winter, avec casque intégral, en train de tabasser avec deux, trois autres, un jeune sur le maire d'Anvers, la place d'Anvers, parce qu'ils étaient avec la caravane électorale, ils avaient donné un tract, et le jeune avait chiffonné le tract, il l'avait mis par terre. Le gosse a 14 ans, il le voit trois dessus, etc. Alors, il était très fort, il montrait Philippe de Winter à sa prestation de serment au Parlement, costume, cravate, beau gosse et tout. Et puis, il monte une photo de lui, c'est quelques années plus. Il dit, alors, au départ, on ne voit pas très bien, c'est un casque, et puis il fait un agrandissement. Il dit, vous le reconnaissez? Ça, c'est le même. Alors ça, c'est un jeune homme, vous voyez, hein, ils sont à trois dessus sur un gamin de 14 ans. Voilà. Vous savez ce qu'il a fait, ce gamin, son crime? Il a jeté leur tract. Et alors, il disait, madame, vous avez des petits-enfants? Ah oui, quel âge? Ben, vous voyez, ah, il y en a qui a 12 ans. Dans 2 ans, ça pourrait être lui. Voilà les gens pour qui vous votez. Et vous êtes contre l'insécurité, madame? Bon. On en a marre des scandales politico-financiers. Ah oui, monsieur Daniel Ferret, dirigeant du Front National belge, a escroqué un lithographe en France pour plus d'1 million. Il a été condamné. Il est médecin, il visait les femmes, il fait des cures d'amaigrissement pour les femmes, avec des produits extrêmement dangereux. Il a été chassé de l'ordre des médecins, il a failli tuer une femme. Madame, voilà pour qui vous votez. Il dit, voilà, c'est très élémentaire, en disant, ces gens sont des salauds, des gens rien. Si vous votez pour eux, alors il disait, en fait, la plupart des antifascistes font appel à l'altruisme. Dans une période de crise, les gens ne sont pas altruistes. Les gens pensent d'abord à eux. Et ce n'est pas seulement l'égoïsme, ils pensent à leurs gosses et tout. Il dit, vous faites appel à des grands principes abstraits, la démocratie, les droits de l'homme. Va parler de la démocratie et des droits de l'homme à un jeune qui vit à Farciennes. Son père est au chômage, son grand-père est au chômage, l'usine a fermé, etc. Voilà. Il se fait chier par les flics tous les jours et tu viens lui parler de démocratie. Bullshit. Va parler aux jeunes maghrébins. Bon, voilà. Il dit non. Il dit, tu leur dis, tu es en colère, je comprends ta colère. L'usine a fermé, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais ce n'était pas des maghrébins qui tenaient l'usine. D'accord, c'était peut-être des étrangers, mais scandinaves. Voilà. Voilà comment tu travailles. Et tu leur montres, tu leur dis tout simplement, au lieu de t'adresser à l'altruisme, tu t'adresses à... Tu fais la même chose que l'extrême droite. Pas mentir comme fait l'extrême droite, pas faire de l'amalgame, mais du point de vue de la technique, si tu veux, ils disent comme, un peu comme au judo. T'as, tu utilises la force de l'adversaire. Donc, autrement dit, tu dis aux gens, en votant pour eux, vous ne votez pas contre les Maghrébins, vous votez contre vous. Voilà ce qui va arriver s'ils arrivent au pouvoir. Et bien, cette technique-là, je suis certain que Hugo est l'homme qui est parvenu à imposer en Flandre ce qu'on appelait le cordon sanitaire. C'est-à-dire, il a pris son bâton, il est allé voir tous les partis en disant, le premier qui, même dans le dernier bled de Flandre, qui passe une alliance avec, etc., on va le dénoncer, on va lui pourrir la vie, etc. Et tous les partis, même ceux qui étaient le plus proches du Vlaams Belang, ont été obligés, ça les faisait bien chier, hein, obligés, parce que parfois ils avaient besoin de forces d'appoint pour passer dans leur commune et tout, des voies du... ont été obligés de dire, nous prenons l'engagement solennel de ne passer aucun. Ça, c'est Hugo. Tout le monde... Qui n'est plus. Qui n'est plus. Voilà. Oh, ben on lui rend hommage. Hommage, voilà. Donc, et c'est marrant, quand moi j'ai rencontré Hugo, moi je venais de toute la tradition de l'anti-Nazi League, et je me suis dit, mais putain, ce que tu fais à ta petite échelle, enfin petite échelle, il a formé des milliers et des milliers de délégués syndicaux, hein, où les mecs disaient, oui, moi dans ma boîte j'ai un gars qui vote et tout, donc je vais lui casser la gueule. Dis, oui, ça c'est bien, c'est en cassant la gueule des gens. Hein, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et ce type n'est pas un fasciste. Ce type est un type un peu en colère, voilà. Un peu raciste, abusé. C'est abusé, super important ça. Abusé, voilà. Tu t'adresses à lui. Tu t'adresses à lui et tu ne le lâches pas. Et tu vas gagner. Tu vas gagner parce que nos arguments sont meilleurs que le... Mais il faut savoir comment le faire. Donc voilà, ça c'est le type de travail qu'il faut faire. Donc j'ai un peu répondu à ta question qui était l'époque actuelle parce que, et je vais terminer là-dessus, ce qu'on a connu dans les années... Donc années 80, c'est l'époque qui commence à percer. Années 90, il y a une stabilisation, notamment le Vlaams Belang, qui s'appelle Vlaams Jog, est condamné parce qu'ils font un programme en 7 points sur l'immigration qui est ouvertement raciste, il y a une loi antiraciste, on active la loi antiraciste, ça n'a servi à rien. Ça leur a mis un petit coup d'arrêt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une séquence TV où on voit De Winter dans sa bibliothèque, il prend le truc qui est encore là, il dit, allez, je le remets sur le... Hein, je le remets. On ne le dit plus. Il dit, on ne le dit plus. Donc, sous-entendu, on le pense toujours. Et le premier congrès de fondation du nouveau parti, qui s'appelle Vlaams Belang, VB, donc c'est les mêmes initiales, etc., De Winter monte à la tribune et il montre le truc qu'il a dit. Il montre le 7 points, il dit, ça, on ne peut plus. Et puis, il le dépose sur son pupitre. Et puis, en fait, il commence à parler d'immigration. Et il leur dit, à un moment, il dit, nous avons changé de nom, mais nous n'avons pas changé. Donc voilà, c'est très très clair. Donc à l'époque, il a connu un petit coup d'arrêt et puis il a continué. Et je t'ai expliqué, qu'est-ce qui fait que le Vlaams Belang s'est cassé la gueule? C'est même pas le travail des antifascistes, même si les camarades flamands ont fait un boulot remarquable et dans des conditions beaucoup plus dures que nous. C'est facile, nous, en Wallonie ou à Bruxelles, je l'ai dit, l'extrême droite était dérisoire. On allait à des manifs, hein, parce qu'ils faisaient un truc dans l'arrière-café, ils étaient 15, on était 200. C'était ça le rapport de force. En Flandre, c'était pas ça du tout. C'était quoi, genre? Mon copain Hugo Geysels, par exemple, a déménagé d'abord à Bruxelles et puis à Redu. Au village de Livre, et il disait en rigolant, mais c'était une demi-blague, moi je suis un réfugié politique. Parce que, notamment, quand sa gamine avait 7-8 ans, il a eu des appels en disant « Ah, ta gamine, elle est mignonne, elle est blonde, on sait qu'elle va à l'école une telle, etc. » Des trucs comme ça, des pressions énormes. Et il était d'Anvers, une des rares fois où il est retourné à Anvers, c'était pour une émission de la VRT, et qui avait été annoncée. Et en fait, le jour où il s'amène, il y a effectivement, les gens, on les reconnaît, hein. Il y a un gars, on le voit tout le temps dans les documentaires, dans les reportages, avec des moustaches et des roues flaquettes, maintenant il a 70 ans, mais c'est un des dirigeants du URD, donc un des groupes ultranationalistes flamands fascisants, et qui il vient avec son team, donc il a une équipe de casseurs, et donc c'est la première fois que Hugo retourne à Anvers, quoi, en tout cas publiquement, lui qui avait fait des dizaines de conférences, là, etc., et donc, ils sont filmés sur le maire aussi, sur la place, hein, la grande place, et, il m'a expliqué, on les a brusquement vus arriver, et ils ont cassé la caméra, ils ont commencé à taper, on a tous... Il dit, moi, je ne suis pas très sportif, mais j'ai piqué le plus beau de 100 mètres de main. La seule fois où il est revenu, donc il a dit, voilà ce que... Donc lui, clairement, il disait, voilà ce que j'ai pratiquement fui comme situation. On je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a fouillé là? Quoi, il y avait une caméra, je comprends pas. La VRT l'avait invité... dans le cadre d'une émission, etc., en extérieur. Okay, sur la ça place. Ça a été annoncé. Okay. Et donc, ils l'ont entendu un guet-apens. Et ils ont attaqué l'équipe de tournage et Hugo. Okay. Et il dit, on a dû fuir, mais on a laissé tomber le matériel là, etc. Ils l'ont démoli et tout. Donc, il dit, une des rares fois où je suis revenu à Anvers, Ils m'ont attaqué. Donc il dit voilà. Et lui disait, je crois que l'extrême droite aujourd'hui n'est pas assez folle pour mettre un contrat et aller me mettre une balle dans la tête. Ce n'est pas une situation comme en Grèce. En Grèce, ils ont déjà tué à peu près 250 migrants, égorgés, tabassés à mort, etc. Et plus, il y a la fameuse histoire du chanteur, comment dirais-je, du chanteur rap grec qui a été assassiné. Et ça, c'est l'erreur qu'ils ont commise. À un moment, ils s'en sont pris un grec, un blanc, et qui était assez connu dans un milieu de la jeunesse, etc. Et ça a été vraiment le scandale. Et dans les jours qui ont suivi, leurs antennes dans les différentes villes et tout ont été mises à sac. Vraiment, la population furieuse est allée casser, etc. Bon, ça, c'est l'erreur qu'ils ont commise. Mais en Grèce, donc ça s'est un peu calmé, mais jusqu'il y a 3-4 ans, notamment quand Mamadou est venu ici, ce copain porte-parole des migrants en Grèce qui a été agressé deux fois, dont une fois ils ont failli le tuer. Je dis, j'en étais, à l'époque, j'étais déjà à 200 meurtres. Et la police qui ferme les yeux et les sondages et les interviews où des policiers masqués disent « Oui, un tiers d'entre nous vote pour eux, etc. » Bon, voilà. Donc, ça, on n'en était pas encore là. Et Hugo disait, je crois que le Vlaams Belang a trop besoin de respectabilité pour se permettre, effectivement. Ici, c'était pas le Vlaams Belang, c'était une milice ou érudit. Il dit, mais moi, je ne crains pas tellement que un dirigeant du Vlaams Blok envoie un tueur. Bon. Il dit, mais par contre, autour du Vlaams Blok gravite toute une faune d'à moitié tarée, qui vont prendre ça au mot. Et donc lui, notamment quand il était à Redu, et comme il avait travaillé aussi sur les tueries, et il y avait un procureur qui est mort dans une question très suspecte, soi-disant suicidé, qui était un ami à lui et qui habitait pas loin, il dit « ça peut m'arriver à moi aussi ». Pas qu'il y aura un ordre donné par le parti, bien sûr. Et d'ailleurs, ces temps-ci où l'extrême droite est assez forte, où il y a de plus en plus d'agressions, plus elle devient forte, plus il y a d'agressions contre des migrants ou des opposants, le premier réflexe de Marine Le Pen, et avant ça, même de Jean-Marie Le Pen, c'est de dire « Ah, c'était pas un membre à nous !» Et puis les journalistes font leur boulot, disent « Ah, voilà sa carte. Ah, on n'était pas au courant. Ah, de toute façon, bon. » Tout de suite, ils se désolidarisent parce qu'ils savent que ça peut attaquer leur image. Chose significative, tu voulais qu'on parle de la situation actuelle, en Grèce, par contre, tu as un parti, Aube Dorée, qui est un parti ouvertement nazi. Alors là, c'est encore beaucoup plus clair que le National Front. Tu vois leur symbole. C'est une partie de la fameuse frise grecque. Tout le monde connaît la frise grecque. Mais ils ont fait un rond où ils ont pris un morceau de la frise grecque. Et quand tu regardes ça à un mètre, tu jures que c'est la croix gammée. Et alors ils disent, comment ? Pas du tout. C'est un grand symbole de la culture hellène, etc. Mais donc, ils ont des brassards rouges avec ce truc-là. Il faut voir leur manif. Il faut voir leurs dirigeants, même la posture, la manière dont ils parlaient. C'est pas Le Pen qui commençait à citer Victor Hugo. C'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment des discours de haine, etc. Donc, Aube Dorée, c'est un cas à part. C'est vraiment un petit parti néo-nazi et qui est parvenu à percer en restant néo-nazi, ouvertement. Donc ça montre combien la situation en Grèce est catastrophique. Dans un pays qui s'est libéré tout seul des nazis, hein, où il y a une tradition antifasciste très forte, malgré tout. Donc ça, c'est un cas à part. Je dirais que les partis de type Jean-Marie et maintenant Marine Le Pen, ou Vlaams Belang, etc., ils ont bien sûr dans leur marge des vrais néo-nazis purs et durs. Il y a les skinheads et les bonheads, etc., prêts à casser, etc. Mais ils les mettent dehors. Je me souviens très bien, quand Jean-Marie Le Pen avait percé, il fait, sur l'ordre d'une fête bleu-blanc-rouge, je crois, où il y a des contre-manifestants antifascistes, et lui, qui est un ancien para qui n'a pas froid aux yeux, il faut lui reconnaître, il est encore jeune, enfin, il a peut-être 55 ans à l'époque, hop, il écarte tout le monde, et il se rue dans le truc, il va se battre, carrément. Et puis il se tourne vers les caméra, il voit que les caméras sont là, il s'arrête tout de suite. Et alors il dit, c'est moi le démocrate outragé, regardez, c'est eux les fascistes, moi je fais un meeting, tout ce qu'il y a de plus pacifique, il vient, c'est eux qui, etc. Et il n'a pas le temps de terminer sa phrase, c'est une scène vraiment d'anthologie, que, en fait, suivant le leader, il y a le service d'ordre, hein, une quinzaine de mecs, 1m90 et tout, et eux, ils n'ont pas compris que le chef a dit, stop, il y a des caméras, on se calme. Et ils commencent à sortir les nerfs de bœuf et les matraques, et tapent surtout, y compris sur le journaliste. Alors ça la fout mal, t'as Le Pen qui dit, je suis un démocrate, et puis on voit la caméra qui va comme ça, parce que le caméraman se fait cogner. Donc on voit que Le Pen, le premier réflexe, c'est, ouh, merde. Donc, c'est pour ça que Hugo disait, je crains pas directement, si ce n'est que, il suffit d'un seul taré. Et des tarés, on en a connu. Il y a eu Breivik en Norvège, tout le monde a entendu parler. Donc l'histoire de Breivik, c'est le type qui a attaqué un congrès du Parti Socialiste, les jeunes du Parti Socialiste en Norvège, c'est ça. En quelle année ? C'était il y a 7-8 ans, sur une île. où il y avait un camp d'été, si tu veux, des jeunes du Parti Socialiste, et lui est venu avec une mitraille. Et comme le Parti Socialiste, là-bas, était assez ouvertement pour, enfin, favorable, en tout cas pas hostile à l'immigration et pour l'intégration, etc., lui a estimé que c'était des traîtres, il a pris une mitraille. Il a d'abord fait un attentat à la capitale, et puis il est allé se balader là-bas, et il a tiré dans le tas, et bon, ça a fait un grand procès et tout. Donc, je suis certain que ce n'est pas le parti facho local qui a dit à Breivik « va faire ça ». Ils ne sont pas fous. Dans les années 90, il y a eu un défilé de Jeanne d'Arc, donc du Front National, où effectivement, à un moment, ils arrivent dans un coin où il y a des migrants, et il y a deux, trois mecs qui se ruent sur deux, trois migrants et qui les balancent dans la Seine, et les gars se noient. Tout de suite, le soir même, le FN fait un communiqué de presse, dit « on n'a rien à voir avec ça, c'est honteux, d'ailleurs ils ont été chassés, etc. » Ils savent que c'est dangereux pour eux. Mais le problème, c'est que à force d'exciter la haine, ils ont dans leur périphérie des gens qui prennent ça au pied de la lettre. Voilà. Et donc il y a quand même... Le danger n'est pas aussi fort en Grèce que chez nous, mais en Belgique, on a eu un type qui s'appelait Hans van Tench, qui était un jeune de 17 ans, qui a pris une arme, qui est allé descendre une jeune fille turque et une nounou africaine. Du coup, il a tué aussi la gamine, qui était une petite gamine blonde, parce que c'était une nounou, qui avait 2 ans. Et manque de bol, ils avaient fait une affiche sur la défense de nos familles, etc. Et il y avait une gamine qui ressemblait tout à fait sur leur affiche. Mais en attendant... Alors tout de suite, le Vlaams Belang a dit « on n'a rien à voir avec ce mec ». Et puis on a découvert que son oncle était membre du Vlaams Belang, que son père était sympathisant, etc. Mais lui, c'était un jeune ado tourmenté, et qui a grandi dans ce milieu-là, et qui a pris les choses au pied de la lettre. Donc, il faut savoir qu'il y a une vraie menace. Alors, dernier élément que je te dirais, c'est dans les années 80, fin des années 80, une très bonne journaliste française, antifasciste, qui s'appelle Anne Tristan. Il y en a une autre qui a refait le coup il n'y a pas si longtemps. Mais moi, je connais surtout Anne Tristan parce que j'avais suivi ça à l'époque. Qui s'est fait passer, qui a changé de nom, changé de look, et qui s'est fait passer pour une petite secrétaire, petite dactylo et tout. Et qui, je me souviens, c'est à Marseille, se fait engager au FN. Et comme journaliste, elle a relaté ce qu'elle a vécu, ça. Et elle dit, c'est extraordinaire. Ouais, c'est écrit, elle a écrit un bouquin. Elle a écrit un bouquin. Ça s'appelle Au front. Et elle explique notamment que c'est encore l'époque, c'est la fin de SOS Racisme, il y a des grosses manifs. Et comme toujours, les grosses manifs. La direction de SOS Racisme dit « passez de la provocation, on va se promener, on va faire une promenade de l'autre côté ». Ce qu'il y a, c'est que les jeunes des banlieues, qui eux sont des maghrébins, qui se font réellement tabasser, cracher dessus, etc., qui comprennent le danger, eux disent « non, non, nous, pas question ». On va faire comme les caravanes de l'égalité, nos grands frères, il y a 15 ans, on va aller sur place, là-bas, chez eux. Bon. Et s'il faut en découdre, on en découdra. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et Anne Tristan raconte l'ambiance au sein du local régional. Alors au début, bande de cons. Et puis au fur et à mesure que la mobilisation monte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les sympathisants, les électeurs, les bobonnes en charentaise, le petit notaire... Du FN. Hein. Du FN, commencent à prendre peur. Parce qu'eux comprennent qu'effectivement, il y a une espèce de tsunami qui se prépare là. Et donc les rats quittent le navire. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le noyau dur des vrais nazis qu'eux, ils adorent. Eux, ils ne demandent que ça, qu'ils y viennent et tout. Mais ne reste que les purs et durs. Et puis... La direction de SOS Racisme pèse de tout son poids et interdit, et joue même la police et tout, pour interdire la contre-manifestation. Et donc fait une manifestation à l'autre bout de Marseille, mais surtout pas de contre-manifestation, parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, il torpille le truc. Et, évidemment, la presse suit ça de près, hein, parce que c'est l'effervescence, tout le monde a un peu peur à Marseille. Et elle raconte comment, quand la décision tombe, on voit tous les rats qui remontent sur le navire, et on sent, et le soir même, le meeting a lieu et on sable le champagne parce qu'on a gagné. On a gagné. Les nazis disent, voilà, ils voulaient nous empêcher de tenir notre meeting, on l'a quand même eu. Mais ce qui est intéressant, c'est à la mi-temps, quand ils sentent qu'effectivement la colère populaire monte et qu'ils risquent véritablement d'être mis à sac, comme ça s'est passé avec les locaux d'Aube Dorée, etc. Mais donc, voilà, moi je ne suis pas pour... Comme j'ai dit, je ne suis pas pour les scalps qui coursaient les couleurs d'affiches du FN pour leur taper dessus et faire des guerres de gangs, ça c'est stupide. Mais quand tu peux mobiliser la population elle-même, comme on l'a fait avec Mosley, comme on l'a fait... C'est ça, parce que tu donnais cet exemple-là au début pour montrer qu'il ne faut pas laisser faire, en fait. La rue n'est pas à eux, la rue n'est pas à eux. On surcolle leurs affiches, on est pour la démocratie, mais eux, ils sont hors démocratie. Combattre l'extrême droite, ce n'est pas être antidémocrate, c'est être un démocrate et combattre, y compris physiquement, quand il le faut, pour se défendre. Combattre l'extrême droite, c'est pas être antidémocrate, c'est être un démocrate conséquent. Prétendre qu'il faut laisser parler l'extrême droite parce qu'on est en démocratie, c'est pas être un démocrate, c'est être un crétin. Et cet être... Comment ça se fait qu'ils sont là ? Et cet être coupable de démocratie, de non-assistance à démocratie et à peuple en danger. Nous avons connu la Deuxième Guerre mondiale, on sait ce que ça a donné. On sait ce que ça a donné. On aurait pu arrêter Hitler, on pouvait arrêter Hitler. La gauche était plus forte qu'Hitler. Ils se sont divisés, ils ont refusé. Les sociodémocrates ont dit on est en démocratie et les communistes ont dit « Ah, ce petit agité là, on n'en fera qu'une bouchée ». Résultat des courses, au lieu de s'unir, alors qu'ils étaient plus nombreux ensemble, ils ont laissé un boulevard, une autoroute et Hitler est passé entre. Voilà. Vraiment ? Ah oui, tout à fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et y compris avec le discours incroyable, hein, Schneiderman, le chef du Parti Socialiste, qui dit... en fait, les deux milices, parce qu'il y avait des milices ouvrières pour défendre les quartiers ouvriers qui étaient attaqués systématiquement par les SA. Donc, et la police était gangrénée par l'extrême droite. Donc, ils avaient dû eux-mêmes commencer à faire des services d'ordre de défense. Et c'est des milices quand même assez fortes. Et ils ont même des dépôts d'armes, etc., parce qu'ils se doutent qu'on va vers une guerre civile. Mais n'aie pas peur de préciser où on est, où allemand. On est en Allemagne, donc en 30-32. Et... D'élection en élection, le parti nazi progresse, il recule un peu, puis il recommence à progresser. Et les élections ont lieu, et Hitler triomphe avec un tiers des voix. Deux tiers des votants, et je ne parle pas des abstentionnistes, n'ont pas voté pour lui, mais un tiers, mais ça suffit parce que les autres sont divisés. Et il va prendre le pouvoir. Les dirigeants des deux milices, du Parti Socialiste et Parti Communiste, se rassemblent, se réunissent, clandestinement, parce que leurs chefs ne veulent surtout pas l'unité. Les manifs... À l'époque, les grandes manifs antifascistes en France comme en Allemagne, c'est tu as un défilé socialiste, un défilé communiste, et surtout pas parce que c'est les frères ennemis. Mais pourquoi ? Ça, ce serait parce que, historiquement, parce Oui, mais là, on est ensemble contre... Parce que les socialistes, 15 ans avant, ont écrasé dans le sang une révolution en Allemagne, ont assassiné, fait torturer et assassiner Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les dirigeants communistes. Donc tu peux comprendre que chez les communistes, il y a une haine des socialistes quand même. Parce qu'il y a un passif. Bon, on va refaire l'histoire. Toujours est-il que les plus intelligents comprennent que l'unité est indispensable. Ben oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que donc, les deux dirigeants des milices se réunissent en disant « Combien d'hommes avons-nous ? Autant, etc. Nous avons des sympathisants dans l'armée, ne fût-ce que les types sous les drapeaux, etc. Il faut tenter, il faut tenter quelque chose. » Il faut tenter d'empêcher ce Hitler. Et comme il a été élu, il va falloir le faire. Il faut démarrer une guerre civile pour empêcher ça. Et ils sont tout à fait d'accord. Mais ils l'ont fait secrètement et à l'insu de leurs dirigeants. Et puis, ils vont voir leurs dirigeants respectifs. Le dirigeant stalinien dit « Moi, je ne m'allie pas avec les socialistes. Les socialistes, c'est des socio-fascistes. Ils sont pires que Hitler. » Voilà, ça, c'est la réponse du dirigeant communiste. Et la réponse de Schneiderman, le dirigeant socialiste, est de dire « Ce que vous me proposez, c'est l'aventure. Je ne veux pas faire couler le sang des ouvriers allemands. » Alors, « Je ne veux pas faire couler le sang. » 6 mois plus tard, il était à Dachau avec les autres stars. Et donc là, ils ont commencé à faire l'unité. Et ils commençaient à faire la résistance, mais dans les camps, derrière les barbelés. Là, ils ont compris que, ah oui, c'eût été peut-être mieux avant. Mais il y a de l'espoir, parce qu'il y a eu le même scénario en France en 1936. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le Front populaire en France, etc. Il y a toute une mythification autour de ça, mais la raison est simple. C'est qu'il y a deux grosses manifs. L'extrême droite monte très fort en France. L'extrême droite a même attaqué le Parlement. Il y a eu une espèce d'émeute anti-parlementaire, etc. Et l'extrême droite se dit, bon, là, l'extrême gauche se dit, et la gauche se dit, là, on est le dos au mur, maintenant, il faut se battre. Et ils décident de faire des manifs, mais évidemment séparés, ça c'est les dirigeants, hein, à Paris. Et elles sont distantes d'un kilomètre. Et les deux manifs, spontanément, les gens, les membres de base, brisent les services d'ordre et disent « Unité, unité contre le fascisme !» C'est une image formidable. Et tu vois, ces deux manifs qui convergent, et que, du coup ça devient une immense manif, etc. Les masses avaient compris, et c'est ce qu'ils vont faire quelques années plus tard, Front Populaire, en disant « D'accord, on peut avoir des contentieux, mais là, c'est notre survie qui est en jeu. Voilà. Et moi, je suis persuadé que quand tu expliques ça simplement aux gens, mais de manière concrète, en disant « voilà ce que vous risquez », les gens peuvent comprendre. Et donner ça comme perspective, je t'assure que c'est très inspirant. Pourquoi est-ce que l'Anti-Nazi League a commencé par, effectivement, une bataille à Lewisham ? Les camarades m'expliquaient, dans les semaines qui suivent, on a reçu des centaines de milliers de demandes d'adhésion, de Leeds, de Birmingham, de gens... On veut faire la même chose. Et donc, je disais, ils ont fait des layouts un peu visibles, des arguments punchy, et en disant, et maintenant, à vous de jouer. Et à la fin, tu avais des milliers de collectifs anti-Nazi League, et c'était Taximen contre le National Front, alcoolique contre, je n'invente rien, contre le National Front, femme de ménage contre le National Front, etc., cheminot contre, etc. Voilà. et ils sont parvenus en 5 ans à briser. Voilà. Moi, je suis absolument persuadé qu'on peut reproduire ça. Le problème, évidemment, c'est que le National Front commençait à grossir. C'était le poussin qui sortait de l'œuf. Donc, l'écraser, ça a été relativement facile. Maintenant, ce n'est plus des poussins qu'on a. C'est des ptérodactyles. Tu vois, les oiseaux préhistoriques, là. C'est ça qu'on a. Mais je pense, donc ça va être beaucoup plus dur. Mais je pense que c'est faisable. Tous les analystes, tous les historiens sérieux disent Hitler, on pouvait parfaitement l'arrêter. Bertolt Brecht a écrit une superbe pièce qui s'appelle « La résistible ascension d'Arturio ». C'est énorme de dire ça, hein, que Hitler, on pouvait l'arrêter. Quand tu dis « on », quand tu dis « on », ça veut dire les mouvements go-go. Mais même les démocrates. Je veux dire, s'il y avait eu une prise de conscience suffisante à l'époque, évidemment qu'il... D'ailleurs, l'élection précédente... Il avait connu un revers très important et le même phénomène s'est passé chez lui que chez Le Pen. Quand Le Pen a été interdit, je ne sais pas si tu te souviens de ça, Le Pen à un moment, Jean-Marie Le Pen, a été interdit d'éligibilité parce qu'il avait pris la main dans le sac de scandale politico-financier, on va dire. Voilà. Et donc, il ne peut plus se présenter. Eh bien, le fait que le chef ne pouvait pas, c'était un signe de faiblesse. Et c'est à ce moment-là que Bruno Maigret est sorti. Hop, son petit lieutenant... Hein, qui s'est senti les dents qui rayaient le parquet, il s'est senti pousser des ailes et il a dit « c'est le moment de foutre dehors le vieux ». Il n'y a pas réussi, mais ça a fait une véritable guerre civile interne au sein du FN, etc. Et je me souviens que Charlie Hebdo de l'époque, avait titré, parce que Le Pen, donc inéligible, ça c'était pour la présidentielle, et au régional suivant, le FN prend une déculottée. Et le Charlie Hebdo titre, sur sa page de couverture, on voit Le Pen qui parle, la queue entre les jambes, on les voit en train de partir, etc. Il y a « Oh, qu'est-ce qu'on va s'emmerder sans les fascistes ?» Ou « Qu'est-ce qu'on va s'emmerder sans le FN ?» Donc le FN était mort et enterré. Je peux te montrer l'article que j'ai écrit à l'époque en disant « Quelle bande de cons !» Le phénix est toujours là. Oui, on l'a mis à terre, mais c'est le phénix. Si demain les conditions renaissent, s'il y a le même fumier qui se développe, s'il y a de nouveau la misère sociale, s'il y a de nouveau... Et si c'est pas lui, ce sera un autre. Il y a un type qui a descendu, un démagogue qui a eu un succès énorme en Hollande, qui s'appelait Pim Fortuyn. Il a été descendu par un dérangé. Et je connais plein de copains qui ont dit « Ouais, chouette et tout ». D'abord, j'ai dit « Très mauvais, c'est pas comme ça qu'on combat l'extrême droite ». Et dites-vous bien que, oui, mais c'est pas demain la veille qu'ils retrouveront un orateur aussi brillant. Je dis non, il faudra peut-être, il a fallu 10 ans. Maintenant, il y a Geert Wilders, qui a repris exactement le même. C'est vrai, on a peut-être gagné un peu de... Et alors, le dirigeant du FPE, donc le parti fascisant en Autriche, c'est la première fois qu'il y avait une participation d'un parti fasciste dans un gouvernement. Même Louis Michel avait dit « Il ne faut plus aller skier en Autriche, etc. » On a parlé même de faire une espèce de boycott de l'Autriche, etc. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir en Italie, plus personne ne bouge. Mais à l'époque, c'était un électrochoc. Pour la première fois, dans l'Europe démocratique, il y avait participation d'un parti d'extrême droite et fascisant. Bon. Hein, et quelle année? Ça, c'est les années aussi, de début 2000, je crois. Fin des années 90, début 2000. Jörg Haider, dont les parents eux-mêmes, le père avait été dans la SS, etc. Donc vraiment bien à l'extrême droite. Et il rentre au gouvernement. Et puis, il se fait que le type qui, en plus, il avait un discours homophobe, et en plus on a découvert qu'en fait, il sortait avec son chauffeur. Enfin, il y a eu plein de trucs assez amusants de ce point de vue-là. Et effectivement, dans le cas d'une querelle, si je me souviens bien, c'est avec son chauffeur qui était aussi son amant, il s'engueule, etc. Il y a une poursuite auto, etc. Il se tue. Ce truc fait d'abord la une de la presse, ça la fout un peu mal. Le monsieur, tu vois... Il se tue accident, quoi. Oui, un vrai accident. Mais le côté, le monsieur majorité morale, homophobe, etc., ça la foutait un peu mal, déjà. Bon, gros malaise dans le parti. Et ce parti a connu un recul terrible. Aujourd'hui, voilà, il est remonté. Aujourd'hui, il reparticipe au gouvernement. On a un chancelier qui, délibérément, s'inspire directement du nouveau dirigeant. Oui, il a fallu 10 ans. Et donc, nous, ce qu'on disait, c'est, oui, descendre un gars, et alors ? Et alors, on connaît Franco comme le gars qui a gagné la guerre d'Espagne. Franco était un deuxième couteau. Le véritable dirigeant s'appelait Sanjurjo. C'était vraiment un orateur, etc. Quand on voit Franco, c'est un petit bourgeois avec une petite moustache qui ressemble à rien. Le vrai dirigeant historique avait une gueule formidable. Mais c'était un fou d'aviation, il se tue en avion. Et bon, le lieutenant passe. Et tout le monde a dit, ah, avec lui, c'est jamais. Mais si, Franco a quand même gagné la guerre. Bien sûr, le charisme joue, et ça, c'est les éléments qui jouent, mais marginalement. Il y avait fondamentalement une Espagne d'extrême droite qui était prête à en découdre et qui en dit « bon, ben ça va être toi ». Donc c'est pour ça aussi qu'on est contre le terrorisme, par exemple. On dit « descendre un chef » et alors ?« On », c'est qui ? je. Voilà. Que le courant dont je fais partie, c'est-à-dire cette gauche radicale qui a une expérience antifasciste, etc., dit pas de terrorisme, vous descendez un colonel, vous n'êtes pas l'armée, vous descendez un gendarme, le colonel devient gendarme. Vous descendez un général. C'est énorme ce que tu dis, Denis. Bon, il reste 20 minutes et maintenant je m'y tiens parce que ça va faire deux heures, mais on fera en deux parties tellement c'est intéressant comme tout. Mais je serai obligé de dire stop. Mais c'est énorme ce que tu dis. Ça veut dire pas de terrorisme. Enlevons ce mot. Tu veux dire pas de d'action directe, violente. Mais c'est énorme de dire ça, un gars comme toi. Je veux dire, on aurait la guerre, on serait peut-être toujours en 40-45 de dire ça. Ah non, pas du tout. Justement, nous ne sommes pas exactement. La réponse est dans la question. Nous ne sommes pas en 39-45 ou nous ne sommes pas au Chili sous Pinochet. Au Chili sous Pinochet, moi, j'étais pas du tout. Moi, d'abord, je suis pas un pacifiste. Je suis un révolutionnaire et je pense que dans la panoplie de la gauche, du combat, il y a aussi la lutte armée, dans certaines circonstances, et que c'est légitime. Dire autre chose, ça veut dire que les résistants armés avaient tort. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, on peut discuter, la résistance a aussi fait des conneries, ils ont parfois fait des attentats complètement ridicules qui ne rapportaient rien et où il y avait des répressions terribles après. Il faut savoir que jusque pratiquement à la fin de la guerre, la majorité de la population belge et française déteste les résistants. Hein. Et parfois pour de bonnes raisons, parce qu'ils avaient parfois des actions complètement aventuristes qui ne faisaient pas avancer le schmilblick, mais après dans le village, on allait prendre 10 jeunes et on les fusillait sur le... Et on disait... Bon, les gens disaient oui. Mais c'est pas que ça l'histoire de la résistance. Non, mais c'est aussi ça, c'est aussi ça. Donc je veux dire, bon, donc la résistance, on l'idéalise, il y a eu des choses extraordinaires. Le fait de cacher des juifs, etc. Il y a eu des actions militaires formidables. Il y a eu des trains... Les trains... Mais en Belgique, une des plus grandes actions de la résistance, c'est trois jeunes gamins qui, avec deux revolvers et une lanterne, arrêtent un des trains qui va à Auschwitz et libèrent une partie du... Bon, voilà. Bien sûr, il y a des choses formidables. Moi, j'ai coécrit les mémoires d'un gars qui était un juif caché, qui voulait aller dans la résistance, on a dit non, et puis il a appris que des gamines allaient se faire rafler par la Gestapo. Il est parvenu en faisant tout Bruxelles, a tombé sur un des jeunes chefs des partisans, qu'il connaissait très bien, juif caché lui aussi, et à 5 ou 6, avec un seul flingue, ils sont allés sauver 17 gamines. Bravo, il y a eu plein de choses formidables. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire de... Précise bien, parce que c'est énorme. En temps de guerre ou de dictature, je trouve que le recours aux armes est en soi légitime. Ça ne veut pas dire que c'est toujours la chose à faire. D'accord, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un comme Lénine, il a porté deux fois une arme. C'était au moment, au pire moment de la guerre civile, ou pratiquement au moment de la révolution, et il ne l'a pas utilisé, mais il avait une arme sur lui, il avait un fusil. Et au moment où effectivement, la guerre civile était telle qu'ils étaient presque aux portes de Moscou. Il n'a jamais tiré un coup de feu, ce mec. C'est un des plus grands révolutionnaires au monde. Trotsky, par contre, a dirigé une armée. Marx n'a jamais tenu une arme. Ce que je veux dire, c'est résistance, c'est le sabotage, hein, c'est pas forcément buter des gens. Oui, hein. Oui, tout à fait. Oui, mais attends, sabotage, quand tu fais dérailler un train, tu tues aussi, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas le faire, mais il faut savoir ce qu'on fait. Quand tu fais dérailler un train, tu tues aussi le chauffeur, qui est peut-être un brave type, qui a été réquisitionné par... Et alors tu rentres dans des logiques que je peux comprendre, qui est de dire, oui, je tue un type innocent, mais j'en sauve... Voilà. Donc, et puis des fois, il ne faut même pas buter les gens. Moi, je connais des histoires de résistance où ils arrêtent carrément les messieurs qui conduisent la locomotive. Ils disent, allez, courez maintenant, allez-vous-en. Enfin, tu vois, c'est pas forcément... Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est, un, je ne suis pas un pacifiste ni un non-violent. Je pense que, dans certaines circonstances, si je vois, si je suis avec trois copains et que je vois un type en train de violer une femme, s'il faut qu'on tabasse le mec pour l'arracher et tout, on le fera. Si j'avais été encore avec mes copains quand ils ont attaqué le journal pour, il est probable qu'on se serait défendu. Bon. Et il y a des moments où je trouve que l'attaque se justifie. Je t'ai parlé de l'Anti-Nazi League, la bataille de Lewisham, où ils ont dit, on en a marre, ces mecs qui viennent insulter nos enfants jusqu'en bas de nos fenêtres, et maintenant on va leur donner une leçon. Bon. Simplement, je dis, tout est une question de... Donc, première chose, je n'ai pas de pétition de principe contre la violence. Je dis ça parce que tu as des non-violents qui disent absolu. Et l'exemple de Gandhi, etc., etc. Moi, à ces gens-là, dans les années 70, je leur disais, d'accord, je t'achète un billet aller simple pour Santiago de Chili, tu y vas pendant 3 semaines, hein, et puis on en reparlera. Hein, d'accord. Mais souvent on prend l'exemple de Gandhi, mais Gandhi en fait il a aussi posé des actes avec des armes et tout. Hein. Jamais des armes. Par contre, ce que Gandhi disait, parce que Gandhi était un type très malin, très tactique et un peu cynique d'ailleurs, grand très grand bonhomme, mais il disait, moi tout seul, contre les Anglais, j'aurais jamais gagné. S'imaginer que mes marches pacifiques et tout, c'est ça que brusquement les Britanniques qui sont des humanistes et démocrates ont dit oui quand même, c'est pas bien ce qu'on fait en Inde. Foutaise. Il dit, pourquoi est-ce qu'ils ont misé sur moi? alors que moi, j'avais une arme. Parce que ça, la plupart des gens ignorent. À côté de Gandhi, il y avait un parti communiste extrêmement puissant en Inde, dont Nehru, qui va être son futur second, était d'ailleurs le dirigeant. Nehru a ensuite rejoint Gandhi, mais était un des dirigeants du parti communiste, qui avait une guérilla armée, qui faisait des grèves insurrectionnelles, etc., qui se battait. Et il y avait aussi un maquis d'inspiration religieuse musulmane. Donc ils avaient une guérilla islamiste, ils avaient un parti communiste qui avait des pratiques insurrectionnelles et ils avaient Gandhi. Et Gandhi dit, c'est marrant, hein, c'est moi qu'ils ont préféré. Ils ont pris la solution la moins coûteuse. Et mais lui disait très clairement. Quand tu dis, c'est moi qu'ils ont préféré. S'il n'y avait pas eu les deux autres, ma stratégie n'aurait pas marché. J'étais la stratégie la moins coûteuse et la plus modérée et la plus voilà. Ils ont joué sur le moins dangereux. Donc il était entouré aussi de gens à mitraillette et, voilà, et... Pas lui, mais oui, autour. Pour les Anglais, le choix c'était ou le Parti communiste qui est en train de grossir, etc. Et puis ils ont vu ce type commencer à faire des actions pacifiques, etc. Mais pour les Médeurs aussi, mais sur une autre base et en ayant un succès énorme. Alors tout dernier élément, juste pour on s'éloigne un peu, mais juste une phrase parce qu'on n'arrête pas d'en parler de Gandhi. Voilà. Mais donc juste par rapport à Gandhi. Il faut savoir quand même que présenter la stratégie de Gandhi comme non violente, ça me fait hurler de rire. Parce que c'était une stratégie qui a été extrêmement sanglante et sanguinaire pour les Indiens. Parce qu'évidemment, quand tu proposes à tes partisans de te coucher sur une place au moment où les Anglais avancent avec des auto-chenilles et avec des policiers qui chargent à cheval, alors on sait que les chevaux, en principe, ne piétine pas les gens. Sauf quand, évidemment, tu les forces et que les gens se sont couchés par terre. Et donc, voilà. Et il y a eu le fameux massacre d'Amritsar où Gandhi, à la tête de ses hommes, de ses partisans, des milliers de gens ordinaires, pauvres, etc., envahissent une des plus grandes places de la ville et où, effectivement, les Anglais placent des mitrailleuses. D'accord ? Bon. Ce qui est marrant, c'est que Nelson Mandela a connu exactement la même chose en Afrique du Sud. C'est le massacre de Sharpeville où il vit la même expérience. Et il faut savoir que si l'African National Congress s'appelait Congress, c'était en référence au congrès de Gandhi, parce que Gandhi commence sa carrière en Afrique du Sud, avant de retourner en Inde. Donc c'est des Noirs qui s'inspirent des méthodes, la direction de l'ANC, c'est des ultra-pacifistes et légalistes. Et c'est la vieille génération. Et les jeunes, représentés par Mandela, chef de l'organisation de jeunesse, à un moment disent, et il y a la même chose, il y avait eu Amritsar en Inde, avec Gandhi, il y a la même chose qui se reproduit à Sharpeville, avec un État qui est fascisant, presque nazi, qui tire et qui tire sur des gens désarmés. Et il y a des centaines d'hommes, de femmes, etc., qui tombent. Et c'est suite à ça que Mandela a dit, j'ai compris. Des gens qui tirent nos enfants comme des lapins, nous allons tirer dessus. Nous allons riposter, nous défendrons nos enfants. Et il commence. Donc Mandela est mis sur un. Comme si c'était l'homme de la paix. Il a d'abord été l'homme de la guerre civile. Hein. Non, mais il dit, sa phrase, il dit, c'est pour ça qu'il faut relire, hein, parce que sinon on fait des images toutes faites comme ça, bidon. Mais par exemple, Nelson Mandela, il disait, si on peut agir dans la paix, sans armes, on le fait. S'il n'y a pas moyen, on se bat. Et Gandhi, avec ce type, il a quand même. Malcolm X disait. By any means as necessary, par tous les moyens nécessaires. En fait, il a pratiquement jamais porté d'armes. Il y a une photo, très belle photo, où on le voit, c'est où il est menacé, il a un fusil et il est en train d'écarter un peu la persienne pour voir si. Bon, mais il a jamais dit il faut tout le temps. Non, il a dit mais quand des gens du Ku Klux Klan viennent pour lyncher, pour pendre nos frères, on va les recevoir et on va sauver nos frères. Voilà. Donc. Alors, un, je ne suis pas un non-violent. Deux, je pense que la violence peut être nécessaire. Hein. Trois, on parlait du terrorisme. C'est pour ça que moi, je condamne unilatéralement, sans la moindre... Et on peut le trouver des circonstances atténuantes, c'est autre chose. Mais circonstances atténuantes, ça veut quand même dire que tu as commis une faute ou un crime. Je suis totalement hostile à la route armée faction, dite la bande Abadère. J'étais totalement hostile aux brigades rouges en Italie. J'étais complètement hostile aux cellules communistes en Belgique, j'ai fait un article pour les défendre lors de leur procès, parce qu'on leur a fait un procès dégueulasse, où c'est le communiste combattant, donc un peu la petite expérience de terrorisme maison qu'on a connue, où j'étais tout à fait hostile à ce qu'ils ont fait, ils nous ont rendu les pires services, ça a renforcé la police, ça a renforcé la droite, suite à leurs attentats, tu as eu des manifs monstres, où en tête, tu avais Jean Gol d'un côté, le dirigeant libéral de droite extrême, et le parti communiste, Voilà ce qu'ils sont parvenus à faire une union sacrée contre eux. Donc ça a été catastrophique. Ou, comme ils s'appelaient communistes, ça veut dire que des gens communistes comme moi étaient amalgamés. Alors, le comble, c'est que tout ce que j'écrivais, c'était pour dire « Bande de cons, ce que vous faites est catastrophique. » Même, j'étais quand même, malgré tout, j'ai payé. Bon. Mais quand ils ont eu un procès dégueulasse où ils n'ont pas pu se défendre en tant que prisonniers politiques, alors qu'ils étaient évidemment politiques, on les a jugés comme des gangsters. Et ça, c'était dégueulasse. Philippe Toussaint, qui était un des grands chroniqueurs judiciaires, pas un homme d'extrême gauche, ami de Boris Vian, etc., mais humaniste, mais disait « C'est honteux ce qu'on a fait au CCC, on leur a fait un procès. » Même les collabos armés après-guerre en 1945 ont eu droit à un meilleur sort. Ils pouvaient se réunir, ils pouvaient faire la défense commune, ils pouvaient lire le journal, toutes choses qu'on leur a interdites. Il dit « On les traite comme des gangsters, ce ne sont pas des gangsters. » Je désapprouve tout à fait ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai fait un article disant que c'était un procès politique honteux, entre guillemets, honteux pour dire c'est scandaleux et honteux qu'il ne dit pas son nom. Bon, parce que ce n'était pas un procès politique, mais tout le procureur qui lisait son acte d'accusation, c'était sur leur motivation. Donc c'était un procès politique. Je les ai défendus à ce moment-là. Mais pendant toute leur campagne de terreur, je n'ai pas arrêté. Je et nous, dans le journal où on écrivait, on disait « Quelle bande de cons !» Merci les gars. Merci. Pourquoi de faire tous ces actes c'est mort, pris comme ça. Et alors ils ont dit, on n'a pas voulu tuer. C'est vrai, je crois qu'ils n'ont pas voulu tuer. Mais il y a eu l'attentat à la FEB rue des Saules, donc la fédération patronale, où ils ont été mettre une bombe. Alors ils disent, on a jeté des tracts pour dire, fuyez, fuyez, fuyez. Et il semblerait que certains, que les pompiers, etc., ont confisqué. Je dis, même si c'était vrai, écoute mec. Si tu joues avec des allumettes et que tu mets le feu à la maison, c'est comme les enfants. C'est « je voulais pas mettre le feu ». Non, mec, mais alors tu joues pas avec des... Voilà. Donc, quand tu prends des armes, tu sais que tu prends le risque de tuer. Deuxièmement, c'est toujours ce cas-là où ils disent « oui, mais ils n'ont pas voulu », etc. En attendant, ils ont tué 3 pompiers. Les pompiers, c'est un des corps de travailleurs les plus syndiqués qui soient, presque tous à la FGTB, hyper combatifs. Donc, bravo, ils ont tué 3 de leurs frères de classe. N'importe quoi. En plus... Lors d'une de leurs actions, où ils ont attaqué un local, ils sont tombés nez à nez avec un bête vigile et ils l'ont descendu. Le gars n'est pas mort, mais ils ont quand même mis une balle. Donc ça, c'était quand même un acte. Alors évidemment, ils ont dit, c'est un valet du capital qui défend. En attendant, c'était un bête travailleur. Généralement, les gens que tu trouves à G4S, etc., c'est des lumpen. Hein. Bon, voilà, ils ont quand même descendu. Voilà, ils ont quand même descendu les mecs. Donc, les mots de la fin en 3 minutes. En 3 minutes. Alors, en 3 minutes. Il y aura encore à continuer. Alors, moi, ce que j'avais envie, c'était de brosser le portrait aujourd'hui dans quoi on joue, mais ce sera pour une prochaine. Mais... C'est vrai que j'ai pris trop de temps et ça aurait été bien de parler de l'extrême droite aujourd'hui. Maintenant, je te dirais que si j'ai beaucoup parlé de ce qui s'est passé dans les années 70 et de ce genre d'expérience, ou même dans les années 30, c'est parce que je pense que la solution, elle est là. Et que si ça a été fait une fois, je ne dis pas le contexte tout à fait le même, mais grosso modo, c'est reproductible et c'est ça qu'il faut faire. Alors maintenant, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une situation paradoxale. Années 80, ils sont vraiment souterrains, clandestins, terroristes, etc. Année 90, percée électorale. Année 2000 aussi. Et puis, comment ça, au bout d'un moment, aussi bien en France, quand on voit qu'à un moment, ils atteignent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne parviennent pas à faire leur sorpasso. Ils ne parviennent pas à arriver au pouvoir. Et une partie de leur base se lasse. Et leurs électeurs se lassent. C'est exactement ce qui s'est passé en Belgique. Le Vlaams Belang s'est littéralement effondré. Le N-VA a pris la place. Alors, ça, c'était un peu le départ de nos discussions qui t'a amené à vouloir qu'on discute, où je t'avais dit, la N-VA n'est évidemment pas un parti fasciste. Il y a des fascistes au sein de la NVA. Pour moi, Franken, clairement, est un fascistoïde. Il y a plein de transfuges du Vlaams Belang. Il y a plein de, dans leur cadre, leurs membres et dans leurs électeurs. Ils ont siphonné une bonne partie. Donc, bien sûr, il y a plein de fascistes dans ce parti. Mais je ne pense pas que la NVA ait pour projet l'instauration d'une dictature qui va supprimer toutes les libertés démocratiques, tous les droits sociaux et tout. Mais ça, ils vont pas le dire, hein, Denis. Non. Moi, je ne pense pas que c'est leur objectif, parce que je crois qu'ils n'ont pas besoin de ça. Je crois que dans le cadre de la démocratie parlementaire qu'on connaît aujourd'hui, quand tu vois tout ce qu'ils sont parvenus à faire passer, pourquoi tu veux qu'ils prennent le risque, parce que le fascisme, c'est quand même une guerre civile au départ, d'en arriver à ça. La bourgeoisie, il faut savoir qu'une bonne partie de la bourgeoisie allemande ne voulait pas de Hitler pendant très longtemps. C'est seulement à la fin, quand Hitler... Il faut 3 conditions. Une toute petite de la bourgeoisie, enfin, de la haute, non ? Non. D'une part... Une bonne partie de la base de Hitler, c'était ou des lumpen, des chômeurs, des classes, etc., ce qu'on appelle les lumpen, des carmondisés, ou la petite bourgeoisie commerçante, etc. C'est ça, sa base. Moi, je parlais de celle qu'il a mis au pouvoir. Oui, alors ceux qu'il a mis au pouvoir, c'est la toute grande bourgeoisie, mais qui se rallie en 32-33, presque tous se rallient parce qu'ils ont tellement peur du mouvement ouvrier. Alors, quelles sont les conditions pour que l'extrême droite passe au pouvoir? Et c'est pour ça que je suis relativement optimiste pour le moment. Pour le moment, je ne sais pas comment ça sera dans 10 ans. le pire est possible. Mais aujourd'hui, je suis encore relativement optimiste. Je ne suis pas trop pessimiste, parce que justement, la NVA a pris la place du Vlaams Belang, a recyclé une partie de son programme, fait passer une partie de son programme, ce que ne parvenait pas à faire l'extrême droite, puisqu'elle n'était pas au pouvoir. Mais je ne pense pas que, foncièrement, son ADN et son projet est un projet fasciste. C'est un projet de droite extrême, mais ce n'est pas l'extrême droite. Et si tu veux comprendre la différence entre l'extrême droite et la droite extrême, il y a énormément de gens dans les années 30, de démocrates, d'humanistes, qui disaient « Hitler, c'est un petit caporal excité, etc. Oui, il commence à avoir une partie de des couches populaires avec lui, mais non, on n'a pas vraiment peur. Et de toute façon, et même si Hitler passait, on a un gouvernement qui vient de prendre des mesures anti-grève. On a un gouvernement qui vient d'envoyer l'armée contre des quartiers ouvriers. C'était pas le fasciste, hein, c'était un gouvernement. Quelle sera la différence avec Hitler? Les derniers gouvernements avant l'arrivée d'Hitler sont des gouvernements qui prennent des mesures d'exception. On n'est déjà plus tout à fait en démocratie. Quand on dit qu'Hitler est arrivé par des voies démocratiques, c'est pas vrai. La preuve en est, c'est qu'Hitler envoie ses troupes de SA terroriser les gens dans les rues, dans les quartiers ouvriers, etc. Et la police laisse faire. On est déjà dans une espèce de semi-dictature légale. Aujourd'hui, hein? Non, je te parle. Ah oui, mais moi, ça me parle pour aujourd'hui, je trouve. Il y a des liens. Voilà. Mais c'est pas encore. Donc, énormément de gens ont dit Hitler, c'est pas le problème. C'est la bourgeoisie, c'est des abstractions. Donc, on va pas lutter contre Hitler. Et si Hitler arrive, quelle différence ça fera? Ben, les mêmes. Quand Hitler est arrivé, ils se sont trouvés des barbelés et ils ont tout de suite compris où était la différence. Mais là, c'était trop tard. Donc là, il y a eu un saut qualitatif. Hitler, il a gazé 6 millions de personnes. Il a lancé l'Allemagne en guerre contre le monde entier. Et d'accord que ce n'est pas tout seul. Hein. Parce qu'on met toujours Hitler, mais il y a une analyse profonde à avoir que des gens qui l'ont laissé faire ce truc. Hein. Si ce n'est que la même bourgeoisie qui le met au pouvoir en 1933 se dit, ils le disent, hein, il y a plein d'écrits où ils disent, il va faire 6 mois. On le met au pouvoir le temps qu'il casse le mouvement ouvrier, ce que nous n'avons pas été capables de faire dans le cadre démocratique. Et après, hein, c'est une marionnette, c'est notre marionnette, on coupera les fils. Ils n'ont jamais pu couper les fils parce que c'est des fils d'acier. Et en fait, dès 42, et en tout certainement 43, la majorité de la bourgeoisie allemande en a marre de la guerre. Elle a compris. Les villes sont aplaties sous les bombes, leurs usines sont bombardées. Ils ont compris que le gars, on a remis les pouvoirs, les clés à un fou. Mais c'est lui qui a le volant. Et ils ne sauront pas l'arrêter. Ils ne sauront pas. Dès 43, une bonne partie de l'establishment allemand est devenue anti-nazi. Mais Hitler a instauré un régime tellement fort, tellement policier, tellement cadenassé, qu'il va pouvoir obliger les gens à aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule maison debout, pratiquement en Allemagne. Dis-toi bien, les bourgeois, ça, ils ne veulent pas. Hein. Donc, voilà. Je crois qu'on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la bourgeoisie, à un moment, qui se méfiait d'Hitler, a dit « Bon, on va jouer cette carte-là », en se trompant sur à qui ils avaient affaire? C'est parce que, et je termine là-dessus, il faut 3 conditions pour que l'extrême droite puisse vraiment arriver au pouvoir. La première, c'est il faut une situation de crise économique, sociale, politique, etc. Il faut que, bon, on est dedans, là. On est en plein dedans. Une deuxième, il faut qu'il y ait une opposition particulièrement populaire et ouvrière très puissante. C'est pas pour rien que Hitler arrive en 1933, alors qu'il y a eu une révolution en 1919 en Allemagne, sur la plupart des gens qui étaient écrasés. Pourquoi est-ce que Mussolini arrive en 24 ou en 23 au pouvoir? Parce qu'il y a eu les 2 années rouges, 18-19, où toutes les unes sont occupées par les ouvriers. La bourgeoisie a chié dans son froc, surtout la petite bourgeoisie. Ils ont eu une peur terrible. Et ils ont dit plus jamais ça. Le problème, c'est que des mouvements sociaux comme ça, populaires, qui sont des quasi-révolutions, qui n'aboutissent pas, la répression après le retour du pendule est terrible. Ouais. C'est Saint-Just qui disait, les révolutionnaires qui font une révolution à moitié creusent leur tombe. C'est exactement ça. Donc, tout l'extrême droite, c'est un mouvement réactionnaire, réaction contre la peur du soulèvement du peuple. Voilà. Et à un moment, ils disent, bon, il y a un mec, c'est un mauvais garçon, il n'est pas fréquentable et tout, mais il est sérieux, il sait se battre, il est prêt, il a montré ses preuves, on va jouer sa carte, comme ils l'ont fait avec Mussolini. Le roi Victor Emmanuel, quand il fait venir Mussolini, il pense que le gars va faire 2 tours de carrousel et puis il va le démettre. Terminé. Voilà. Donc, voilà les 3 conditions. Donc, 1, une situation de crise. 2, un mouvement ouvrier. Et 3, un parti fasciste qui peut vraiment se porter en tant que candidat au pouvoir sérieux, qui est crédible, qui peut venir devant la bourgeoisie en disant « Vous avez un problème avec les grèves et les grévistes? Je vais vous résoudre ça. » Et qui l'a montré. Donc, il faut les 3 conditions. J'ai eu très peur dans les années 90 parce que tu avais une situation de crise. Tu avais des mouvements quand même populaires importants, Bon, ouais, dans les années 90. Oui, tu as encore eu des mouvements de grève relativement importants et un mouvement ouvrier qui restait intact et qui était très puissant, qui est le plus fort au monde. Il ne se battait pas assez, mais il y avait quand même encore. Et troisièmement, il y avait un parti fasciste crédible qui était le Vlaamse Belang. Là, vraiment, je me disais, on n'y est pas encore, mais j'ai écrit l'article, je pourrais le montrer à l'époque, en disant, dans les 10 ans, il n'est pas du tout impossible qu'à un moment, l'establishment dise, on joue cette carte-là. Bon, Denis, je suis obligé de couper, mais dis-moi que les gens qui t'écoutent, est-ce qu'il y a un lien à mettre on peut continuer à lire ce que tu... Je ne sais pas, est-ce que tu as des... Excusez ce que je vais faire. Je ne vais pas faire ça comme ça de manière improvisée. Il y a plein de bouquins. Il y a tous les bouquins qu'a écrit Hugo Geisels, notamment, etc. Certains ont été traduits. Je peux te faire une bibliographie, mais je ne vais pas te faire ça en freestyle maintenant de manière improvisée. La dernière chose que je voulais te dire, donc, c'est pourquoi est-ce que je suis modérément optimiste, c'est que, un, on a hélas... Il n'y a pas de quoi se réjouir. On n'a pas un mouvement populaire, même l'altermondialisme et tout, qui menace vraiment. Je ne crois pas que la bourgeoisie, je ne crois pas que M. Albert Frère... Il est mort, hein. Oui, je sais, mais que M. Albert Frère, il y a trois semaines... C'est sa famille. Ou que M. Didier Reynders tremble. Je ne crois pas. Donc, ils n'ont pas besoin du fascisme. Donc, ils ne sont pas menacés du tout. Pour l'instant, on a un mouvement ouvrier qui est l'arme au pied, qui ne se bat pas. Et quand il se bat, il fait semblant de se battre. Et Charles Michel l'a tout à fait compris. Donc, oui, en Belgique, on ne les menace pas. On les menace pas. Il y a un peu les gilets jaunes, mais on ne les menace pas. Ils ne se sentent pas menacés, donc ils ne sont pas prêts à jouer cette dernière carte. Deuxième chose, la bourgeoisie est parfaitement capable de faire passer des programmes très à droite et parfois qui s'inspirent de l'extrême droite sans avoir besoin de passer par une dictature. Donc, je crois que... Exemple. En gros, le programme qu'a fait passer Franken... C'est absolument évident que c'est un programme. Il l'a dit. Hein. Il a dit qu'il s'inspirait directement des cris du. Il l'a dit tout récemment. Il a dit dans une discussion. Il y avait un gars du. Je crois au Parlement, un gars du Vlaams Belang à côté. Il a dit. Mais je trouve que vous avez beaucoup d'idées intéressantes et je vous lis avec beaucoup d'intérêt tout. Il le dit ouvertement. Bon. Donc, il peut faire du fascisme light, soft, sans passer par le fascisme, parce que même pour eux, le fascisme, c'est une aventure risquée. Et ils sont pas menacés. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, l'extrême droite reste dangereuse parce qu'ils peuvent attaquer demain les syndicalistes, parce qu'ils ont brûlé un journal, parce que, oui, ils ont une capacité de nuisance, mais limitée. Je ne pense pas qu'ils sont en mesure aujourd'hui de menacer la démocratie et le pays. Ah ouais, mais attends, est-ce qu'on est vraiment en démocratie après ? Mais là où tu as raison, c'est que par contre, une des raisons pour lesquelles la bourgeoisie n'a pas envie de faire ça, et pourquoi l'extrême droite n'est pas nécessaire, c'est qu'elle est parvenue à contaminer une bonne partie du champ politique, et qu'une bonne partie de sa politique et de son programme est en train de se réaliser. Donc pourquoi voudrais-tu que la bourgeoisie dise « on va s'appuyer sur vous ». On fait quand même déjà passer les choses. Donc ça, et effectivement, ça c'est la différence entre la NVA. La NVA n'est pas fasciste, mais de ce fait-là, elle est fréquentable pour la bourgeoisie, et donc on la met au pouvoir. Et donc aujourd'hui, c'est elle qui véritablement est le centre de gravité politique. Tous les partis, même du côté francophone, en rejet, mais tous disent « Que va dire la NVA ? Que va faire la NVA ?» Les francophones n'osent pas dire « On va défendre ouvertement les chômeurs, parce que vont penser les Flamands ? Et si les Flamands ne sont pas d'accord, ils vont voter NVA. Donc on va prendre quand même des mesures anti-chômeurs, même si on n'est pas d'accord. Hein » Dire au poids qui dit « J'ai dû tenir compte de l'opinion majoritaire au nord du pays. » C'est quoi l'opinion majoritaire ? C'est la NVA. Donc, moi je dis, il est temps, effectivement, d'oser dire non. Hein, on disait de Milquet, elle est madame non. Moi, j'avais de l'estime pour elle. Il faut pouvoir à un moment dire, ça, c'est non. Bon. Alors, peut-être que le pays ne survivrait pas. Moi, j'en ai rien à foutre. J'adore la Belgique en tant que pays, paysage, culture, de l'histoire. L'État belge, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, moi, c'est clair. Si le prix pour pouvoir avoir une politique sociale, qu'on ne s'en prenne pas aux chômeurs, aux locataires sociaux, qu'on n'ait pas des restrictions dans la santé, etc., etc. Si une majorité de Flamands n'est pas d'accord avec ça, mais peut-être qu'il faudra en passer par... Mais il est enfin temps de dire non à cette classe politique flamande qui est de plus en plus à droite, même le SPA, c'est eux qui ont pris les pires mesures contre les réfugiés, les centres fermés, etc., c'est eux, c'est Mira Adamou, c'est eux. Hein, l'activation dans les CPS et au chômage, c'est eux, c'est la gauche flamande. Donc cette gauche qui est de plus en plus droitisée... La gauche flamande, ouais. Qui est de plus en plus droitisée, je ne parle pas des membres, il y a plein de gens très bien, mais qui lorgne vers la droite... Et la droite qui lorgne vers l'extrême droite. Donc, qui est la locomotive? Qui tire tout le spectre politique derrière? C'est... Alors, maintenant, je t'avoue que je préfère quand même que un Anversois sur trois vote NVA, que un Anversois sur trois vote Vlaams Belang. Quand De Winter est passé à un cheveu de la mairie d'Anvers. Là, j'ai vraiment eu peur. De Winter, le dirigeant du Vlaams Belang, pur et dur, celui dont je parlais avec son casque intégral, etc., qui est un vrai fasciste. Alors on me dira, oui, mais De Wever à la place, c'est pas mieux. C'est à la fois pire, parce que lui peut faire plus passer le programme que l'autre. Je pense quand même que c'est mieux, parce que je pense vraiment que De Wever, par exemple, n'est pas un facho. Je pense que c'est un mec de droite extrême. Sur la question, il n'est pas homophobe pour un sou, hein, par exemple. Sur toutes les questions mœurs, va voir le programme de la NVA, ils sont très modernes. Hein. Oui, mais enfin, après, on connaît bien, on sait bien que dans le programme, on dit ça, et puis dans le concret, on fait... Non, je crois que le rectorat, c'est une classe moyenne supérieure. C'est ça, toute la manip, quoi. Non, je crois qu'on a affaire à une classe... Leur électorat, c'est une classe, c'est en partie des classes populaires, mais surtout une classe petite, moyenne et grande bourgeoisie, moderne, un peu européenne, universelle, etc. Ils ne sont pas anti-européens, comme l'était par exemple le Vlaams Belang, et qui peut être très ouvert sur la question de mœurs. Divorce, machin, truc. L'Église, par exemple, hein, l'Église était dominante dans le monde. Ils disent, l'Église, on n'en a rien à foutre que l'Église qu'elle rentre dans ses églises. On s'en fout. Ils peuvent être très modernes sur toutes les questions de mœurs, sur les questions économiques et sur la question de la migration. Ils sont horribles. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui est mieux, mais quand même, un parti fasciste au pouvoir, il faut discuter avec les anciens ou les gens d'Amérique latine qui ont connu ça pour comprendre ce que ça veut dire. Je crois qu'on, nous, c'est facile de dire, ouais, dès qu'un mec est très à droite, on dit fasciste. J'aime pas cette façon de... C'est l'histoire de l'enfant qui crie au loup, tu vois. Le jour où le loup est vraiment là, on comprend la différence, mais c'est trop tard. Oui, tu dis ça pour d'autres pays, alors. Tu dis ça pour d'autres pays qui, eux, connaissent vraiment... À ceci près, alors ça, c'est vraiment ma dernière phrase, à ceci près que le Vlaams Belang... effectivement, s'est effondré, et en plus, De Wever l'a dit, c'est moi qui ai tué le Vlaams Belang, il a tout siphonné. Nous sommes, quoi, 15 ans plus tard. La NVA connaît un arrêt, tout le monde le dit, tout le monde pronostique qu'ils vont connaître sans doute une demi-défaite aux prochaines élections. Et le Vlaams Belang, qui était tombé pratiquement, si je m'abuse, à 3 ou 5, pour 3%, même je crois au pire moment, est à 10% aujourd'hui. Et tout le monde dit, Les transfuges, les transferts qui vont s'opérer de la NVA, c'est massivement de nouveau vers le Vlaams Belang. Autrement dit, je reprends mon image du phénix. Hein, c'est la fameuse superbe poème de Bertolt Brecht qui dit « Le vent est encore chaud, d'où est issu le vent est encore chaud et fécond, d'où est issu la bête immonde. » Voilà. C'est oui, ils sont descendus à 3%, ils sont à 10%, ils ont triplé. Et combien vont-ils faire? Moi, je vais regarder avec beaucoup d'intérêt ce que le corps du. Donc, autrement dit, l'extrême droite, elle n'est pas encore candidate au pouvoir tout de suite, parce que les conditions ne sont pas réunies, mais elle est là. Ça veut dire que le jour où les conditions sont réunies, on peut parfaitement avoir un retour du fascisme. La plupart des gens disent non, l'extrême droite aujourd'hui, Orban et tout, c'est pas vraiment des fascistes. Je dis oui, c'est vrai. On a une extrême droite nouvelle, Pim Fortuyn, etc., qui ne sont pas des fachos. Brésil. À côté, lui, il est vraiment... Ouais. Ouais. Mais par contre, voilà, au Brésil, tu as vraiment un gars qui fait référence à Hitler. En Grèce, tu as une aube dorée qui est, elle, ouvertement nazie et qui fait les 15% des voix. Le National Front, on l'a démoli en montrant que c'était des nazis, et pour les Anglais, c'était rédhibitoire, ils n'ont plus voté pour eux. En Grèce, qui est un pays qui s'est libéré du nazisme, voilà un parti qui se présente ouvertement nazi et qui, avec cette façade-là, fait 15% des voix. Et enfin, Marine Le Pen, qui a essayé d'apparaître plus polie, etc. Mais tout le monde sait très bien qu'elle est en lien étroit avec tous les identitaires, c'est-à-dire les casseurs suprémacistes, etc. Elle ne le montre pas trop. Mais qui fait le service d'ordre de ces... Donc, hein, je rappelle Anne Tristan. Hein, Anne Tristan qui dit que les cadres disaient... Oui, l'autre chose qu'Anne Tristan, cette fille qui avait infiltré le FN à Marseille, disait, c'est qu'il y avait un cadre qui lui avait dit « Nous avons déjà les hommes, nous avons les armes, nous avons des planques, etc. » Mais nous ne sommes pas encore à 30%. Ça, c'est un des cadres régionaux de Marseille où elle se présente de plus en plus fasciste, pro-Hitler, et lui se lâche un peu en confidence et dit « Mais pourquoi vous ne le dites pas ?»« Parce qu'on veut 30% des voix, donc on ne peut pas le dire. Mais nous avons les hommes, nous avons les armes et les cash, nous n'avons pas encore 30% des voix. » Donc voilà. Donc ce scénario-là, moi je crois que la plupart des gens disent « Mais non, une reproduction de ce que nous avons... » Bien sûr, ça ne sera pas une reproduction à l'identique, mais dire « Ce n'est pas possible. » C'est les mêmes qui, dans les années 70, disaient « L'extrême droite, elle a disparu. » Oui, c'est vrai. Qui disaient « Plus jamais ça, c'est fini, on est tranquille. » C'est les mêmes. C'est les mêmes qui, quand Le Pen ne veut pas se présenter, disaient « Qu'est-ce qu'on va s'emmerder sans les fachos ?» J'ai entendu ça. Pendant 30 ans, j'ai entendu dire régulièrement que l'extrême droite était au bord du gouffre. En attendant, elle renaît chaque fois de ses cendres. Donc voilà, le combat doit continuer. Merci Denis. Merci à toi.